تستمعون إلى الراديو حشيشة، أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. ألو ألو، السلام عليكم يا أهل سلام، حشيشة على باري، سمير معكم. Vous écoutez toujours donc Radio Chicha. Nous étions en train d'écouter le début de la chanson Gnawa Diffusion, Saharaga. Sahara Haraga. Pour ceux qui connaissent Gnawa Diffusion, je pense qu'ils vont reconnaître. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Marhaba bikoum khawti, c'est l'émission de samedi soir qui commence. On va essayer d'ouvrir l'antenne de la radio Chicha aux auditeurs et aux auditrices pour qu'ils interviennent s'ils veulent sur un sujet de politique ou de société ou un sujet qui concerne l'Algérie. Comme on a fait tous les samedis soirs en fait. Donc tous les samedis, on a l'émission هذه en direct et تقدروا تعيطوا لنا عبر Skype حشيشة DZ عبر Skype إذا حبيتوا تدخلوا ça va se passer en direct. يعني بدون il y a pas de standard. Nous avons recruté, comme je vous le disais la semaine dernière, nous avons recruté des techniciens, des ingénieurs de son, du son, etc. Et par contre, on gâ, c'est-à-dire HS. Donc je suis tout seul à travailler dessus, il n'y a pas de standard, donc ça va passer directement à l'antenne si vous appelez sur Skype Chicha DZ. Le sujet de ce soir que je voulais vous proposer, c'est le sujet le 5 octobre. Nous sommes le 5 octobre et nous sommes le 5 octobre 2013. Comme tous les Algériens le savent, c'est l'anniversaire des événements du 5 octobre 1988. Ça fait déjà 25 ans qu'il a, 25 ans que les événements d'octobre 88 se sont produits. Depuis, il y a eu beaucoup de choses en fait, et il s'est passé beaucoup de choses. L'histoire, elle a tourné, l'Algérie, elle a avancé. On a vu ce qui s'est passé en fait, et c'est de ça qu'on va essayer de parler. Si vous voulez intervenir en fait... j'espère que le son, il marche bien. Quelqu'un me fait des signes. Sinon, donc on va parler de ce sujet. Et comme je l'ai présenté sur Facebook, en fait, كنت حاب نقولها بالعربية أحداث أكتوبر 1988 ذكرى وعبرة ou la ذكرى وعبر. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon des événements d'octobre 88 et puis ceux qui ont vécu les événements d'octobre 88. Ils peuvent donner aussi leurs souvenirs personnels ou là des souvenirs qu'ils ont de cette période-là. Je pense qu'on pourra aussi aborder d'abord les événements d'octobre 88, mais on peut aussi aborder le sujet de l'après-octobre 88. Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme je le disais aussi sur mon blog, je pense qu'on peut dire Billy, les événements d'octobre 88, c'était un peu comme ce qui se passe actuellement dans la région du monde arabe qui m'inculo. C'est un peu ce qui se passe maintenant en Tunisie, en Égypte, etc. Ça s'est déjà produit en Algérie en 1988, ça veut dire il y a 25 ans. C'était des événements qui étaient très importants à mon avis, même si les analystes ils ont analysé chacun à sa manière. On va revenir à ça si vous voulez bien dans l'émission. Mais c'est quand même un moment, je pense, qui était important parce que on est passé d'une étape à une autre. C'est un cycle qui a commencé. Est-ce que ce cycle il est fini ou là, je ne sais pas, ça se discute. Est-ce que les objectifs entre guillemets la révolution d'octobre 88, est-ce que les objectifs taouha ils sont atteints ou là, d'après ce qui s'est passé après 90, 91, 93, 94, 95, les événements hadou. Je ne sais pas. Donc, ce que vous pensez de tous ces événements Khawti, vous pouvez intervenir sur Skype, c'est en direct sur radiohchicha.com et radiohchicha.com se transforme en Qanat al-Hurriya tous les samedis soirs, c'est la liberté d'expression, vous pouvez intervenir Khawti sur Skype. Voilà, j'ai tout résumé, je pense. Je vais essayer de voir si sur Skype il se passe quelque chose, sinon je vais vous passer une petite musique. En attendant, tout à l'heure je vais vous passer quand même 10 minutes La bande audio d'un documentaire qui est passé sur Canal Plus en 2002. Juste la partie avec 10 minutes, la partie du film où il y a les événements d'octobre 88. Pour commencer, je vous laisse écouter un petit peu de musique. Je reviendrai à tout ça dans quelques minutes. استمعون إلى راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. شراكم مش الأحوال جينا نسقسي عليكم أسي صفا قول لي دوك وشراك وشراهم الدار جو صحيحة ولا مزال بسبيطار والشيخ مازال معدومني شيخ إن شاء الله وداني صحيح هو مخسر ولا مليح طفل كاش خرج بتقاري ولا قبيح شراهي الحومات بشراهو الدوار شراهي الحوش لا سيتي لا ريزيدانس الفرد مع الشالي لا طنط والغار شراهم الجيران شراهم ولاد حومه وشراهم السكان الكبوطه الكريلوات والفيران شراهلي الكتروميناجي كاش مزطط كاش تيب كاش فريكور من برادي الفريكو مازال راجي غير يحلكم ويخرج منو العيب سيري وقولي وشراه الجيب ديره ولا مازال قريب وشراه من الماعن كسارن فارغين يشكو ولا معمرين طواجن معمرين دواجن ولا بلاش واللي جا الاخر كلا ولا ما كلاش سقسيك على اللي جان وشراه العيد وشراه رمضان كاش مع قولو الكارطة شعبان والعاشورة صاحبي قالوا لي ما هو شيبان وشراه الكتريسيان وشراه المكسيان وشراه البيسري قهواجي الخباز واللبان هو الفنجال قهوي خفاف ولا قدر بنان والريم تحت السمان طري ولا عيان وجدد كيما الليجون جاب رواحهم قول لي ولا وسمان خلينا من الدخان احكي لي عتشينا وشراه البنان والبطاطا ولات بتاتا بالف كيما الزمان احكي لي على حمود بوعلام ما سرف الاعلام توجه الماريكان وسي فيليبس ما قضاش على انيام ورابح ما قضاش على انينام وشراهم الكوشمار وشراه المنام وشراهي العقليه البيس والتحمام وشراهم الجران مازال يزيدوا في كلام وشراهم الدي ار اس والدي جي اسان وشراه الراند والارشيدي لي زانتيكريست والافلان واش حوال حريه التعبير الاستيراد والتصدير وحقوق الانسان خلينا من البوليتيك واش حوال لا تيليفزيون مازال كادر ولا نوعو في ليزيميسيون عندي بزاف ما شتهاش الحالي الطبيب ما نحملهاش والفوتبال مازال كيف كيف والسيكس والبريمير ديفيزيون وشراه زغدود مبدع والتيري عمور ياسف غازي ولي كوتش كيما بن سكري وشراهي الموسيقى عمري الراب جاب بلاصتو ولا مازال مغلوقين كيما بكري حطو دمك برك بالدلايك ما تدري علمها شويه تجري قول لي وشراه في برا طياح مازال دراري صغار تباح وشراه القدر بزويش مازال ياخذوا الراي والكبار مازال تجياح والحيوط مازال ضاربين الناح وشراهي ضد تريسيتي تحكي ليش عليها يبيتي وشراه الماء مازال يخشن ولا سلحت في السما وهاد الشتا قول لي اصمد ولا يحمى وفي الصيف كش ما جازو جبايكات في البلاك تاع المازوت حلاتكم منعومه قول لي وش راكم انتوما وشراه البحر الجبل والصحراء الحجره الشجره الغبره حبسوا قرب في الليسي ولات الناس زعما تقرا وشراه من المقلمه والصبوره امسى بغينهم كحوله ولا خضوره وشراه التاريخ مازال محرف والشيخ تاع العربيه مازال يخرف سالي على اللي جاب روحه من لور مطرف حكي لي على المناطق المعزوله على رصاص البومبات والقتيله وبنت السلام بعد الوئام وشحال من بوشي مازال خدام حكي لي على القلب الكبده والمورال حكي لي على الدراري نساو الرجال حكي لي على الله ميموار الشافه اللي طاحوا في مستغانم الله يرحمهم شفا شحال كانوا صغار والطريق مازال فيها الخطر وشراهي الروبولوت المعاوده والتكرار وشراهي الهريسه والحار اللي يشعل في النار العدس واللوبيا الميرن ويضصح لك والصار خلينا الماكله نولوا شويه للدار حقاك قول لي بيت ما راني نسجل احكي لي على المنزل وشراهم التوالق الصبابط والتفاتق وشراه الصابون كاس زبده كاش معجون وشراهي لا بيبيوتاك مازال فيها غير لي سيرفيس ولي بيبلو ولا تعمرت كتابات ولا تريكلو شراهم ثاني كتابات سال عليهم لا الطريق فيهم بلاكات واش عييت راه شنو ريح ريح مانيش حابس قول لي في القرايه وين الحق حوسوك الشح قول لي كاش راك تجوز الوقت واش راهم الزرابط والكواس واش راهم السبيطارات الكوميساريات والحباس واش راهم لي بار والجوامع كاش بنيان كاش مشارع كاش ابيال كاش اديال كاش خلايع كاش طلاق كاش زواج كاش مسامع كاش مونغو سم ولا بولينا كاش مصيبه جديده جايه تدينا كاش كونجونكتيفيت كاش برونشيت كاش زنزله كاش طاعون كاش ننساو كاش فنون كاش نشفا وكاش قانون كاش مهبول جديد نتالبوه كاش دي فيلم اللي نتبعوه كاش دخلات كاش خرجات كاش مطمات ولا تبتو كاش كاش جديد كاش ما جبتو كاش لي ماتش كاش تورنوا كاش رول مبنو ولا كروا كاش ليسونس تاع مجاهدين كاش خبر على المسافرين واش راهي الغير الحسد والعين كاش ما بان حب وضرفه ونيه ولا ضيافه كاش فقر كاش دراهم سالي على اللي داروهم بعوام الشر اذا كنت معاهم احكي لي على الدينار بشحال راهو يشري اورو واش راهي الالف فراك الهوبله وال100 دورو يذكروا بالخير دورو وذاك الوقت تاع طورو الواحد يتوحش صغرو هضر لي على الكابتن ماجد دون كيشوط وزورو وسال على المقام كي تزورو حقا واش راهي الصابلات وتحراج سميزون لي تور اللي تبنات ولا كاسبه مازال ما رابت والعقيبه كيف ولات واش راه الميترو والايروبور جديد والطرو تاع الواس مازال غرب بعيد كش ما خلصوا عليهم هضر لي على المفيد قول لي من الداخل واش رحاكم قبل ما يخلص البين يخلص الريت قول لي واش راكم است تستمعون إلى الراديو حشيشة، أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. Voilà, donc on était en train d'écouter Rabh MBS Oushrakoum. J'aime bien cette chanson parce que elle a un bon rythme à l'algérienne. Sinon, nhayikoum kaa khawti, khwani, akhawati, aynama kuntoum, nas li raoum yismaou fina. Marhaba bikoum, on écoute donc Radio Hachicha. Vous êtes en direct dans l'émission de tous les samedis soirs, émission où nhallou l'antenne via Skype. Idha habitou dakhlou, تقدروا تدخلوا اون ديريكت سور سكايب. يسوفي دابلي حشيشه دي زد، حشيشه دي زد توت اتاشي هكا سور سكايب بور انترفينير اون ديريكت. سينون السوجي تاعنا سو سوار سي لي زيفينمون دو 5 اكتوبر. كيما على بالكم 5 اكتوبر 1988 اي نو سوم لو 5 اكتوبر 2013، صافي 25 ans اي سي لانيفيرسير دونك دي زيفينمون دو لا entre guillemets toujours, révolution algérienne d'il y a 25 ans finalement. Et je voulais en fait proposer ça comme sujet à nos auditeurs s'ils veulent intervenir. À partir de maintenant, vous pouvez nous appeler, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous disais que j'allais vous passer un petit extrait du film, c'est un extrait audio du film qui s'appelle Algérie, un peuple sans voix. C'est un film qui est passé sur Canal Plus en 2002. Qui juste la partie hadik où il hadar ala les événements de 88. Je vous le passerai un petit peu plus tard. Sinon, je ne sais pas quelle est votre expérience khawti, l'expérience de les événements de 88 ou l'expérience de après 88. Et puis si vous avez un point de vue, qu'est-ce que vous pensez de ces événements? On a un premier appel, on va essayer de le prendre. Allô, salam alaikum. On a un premier appel, on va essayer de le prendre. Allô, salam alaikum. Khoya Nassim, marhaba bik, nous sommes en direct. Allô. Si tu peux couper, la radio, on va parler juste sur Skype. Comme ça, il ne va pas y avoir un doublon. Allô. Ouais, moi, je t'entends très bien. Hein. Allô. J'entends rien. Allô, moi je t'entends très bien, Nassim. Allô. Nassim, tu m'entends? Allô. Si tu peux couper la radio, Andek. Donc, on avait un auditeur qui s'appelle Nassim. Merci pour l'appel, mais apparemment il ne m'entendait pas. J'ai vérifié la technique, j'ai fait des signes, les techniciens, ils sont tous en train de dormir. Tu peux toujours recruter des techniciens. Non, en fait, normalement, mon Skype, il marche, le micro, il marche, je vérifie sur la messagerie s'il y a des messages d'erreur et tout. Il y a pas de message d'erreur. Donc désolé Nassim, moi je t'entendais très bien. Les gens qui appellent, comme il faut couper, dès que tu appelles en fait, il faut couper la radio. Haka, on va parler juste sur Skype. Comme ça, il va pas y avoir de doublon en fait. Le son haka, qu'il va pas y avoir l'écho. Comme je vous le disais tout à l'heure, le sujet tana c'est les événements d'octobre 88. Moi, bien sûr, j'ai mon avis. S'il n'y a pas d'appel, je vais donner mon avis. Pardon. Les gens, ils peuvent le discuter. Moi, j'ai un dit ra'i ta'i, n'as t'qdri ani ta'ti ra'i ta'ha, ou là, si les gens, ils sont pas d'accord et tout, m'chi mouchkel. Ana andi ra'i ta'i, qu'ol, anno, les objectifs ta'a. Les événements اللي انتفضوا ولا les objectifs تاع الناس اللي انتفضوا في 88 les objectifs ne sont pas atteints tout simplement. Nous sommes 25 ans plus tard, nous sommes passés par des situations c'est vrai incroyables en fait. parce que après 88, on a eu une petite période qui a duré 3 ans en tout, presque 3 ans de liberté d'expression et tout. C'était le résultat des événements d'octobre 88. Mais c'est vrai que après 91, 92, on a plongé dans ce qu'on appelle la décennie noire ou la décennie rouge, qui a vraiment marqué les Algériens. Et ça, c'était la suite de quand même des événements de 88. Et maintenant, on en est en 2013. Où est Rana en 2013 par rapport aux événements de 88? Je pense qu'on n'a pas avancé d'un pas. Je pense que les gens qui se sont révoltés pour la dignité, les gens qui se sont révoltés pour la démocratie, les gens qui se sont révoltés pour la liberté d'expression, ça, mais elle, le sujet il est d'actualité en bonne et due forme, puisque on est ni en démocratie, je pense, hein, c'est mon avis, on est ni en démocratie, mais fait la liberté d'expression, le champ politique il est verrouillé, le champ médiatique il est verrouillé, mais elle, c'est-à-dire on a créé une division d'Ahl Shab ou la d'Ahl société qui fait que on veut que yani huma les leaders ou la division ils veulent que les Algériens ne s'unissent jamais, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait haka des clans, des djihad ou djihad, chaque camp, chaque partie elle maudit l'autre partie. Ça veut dire que c'est des gens, ils veulent que les gens à deux ne pourront jamais construire quelque chose ensemble. Et je pense que après 25 ans des événements d'octobre 88, il y a une vraie crise politique du régime en place, du pouvoir en place, qui est illégitime. Je pense que en 88, quand les gens ils se sont rebellés, ils se sont révoltés, etc. Ils se sont révoltés pour la légitimité du pouvoir, parce qu'on avait un pouvoir qui était dictatorial et un pouvoir qui est issu des coups d'État. Depuis 62, 65, 78, 79, avec Chedli qui est arrivé, ce sont les militaires qui ont décidé. Et après, il y a eu toutes sortes de révoltes pour la démocratie, pour les droits de l'homme et tout. Et jusqu'en 88, les gens ils se sont révoltés contre l'illégitimité du pouvoir en place. Et 25 ans plus tard, Rana est exactement dans la même situation. Le régime en place, il est illégitime. Il n'est pas issu d'élections. Les Algériens n'ont pas fait d'acte fondateur qui fait que les Algériens c'est un acte fondateur, il faut le faire, ça n'a jamais été fait. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne une crise politique profonde et un régime qui est comme ça en fait, un pouvoir qui est comme ça. C'est un pouvoir qui, avec les années, on a vu comment, c'est un pouvoir qui s'est désagrégé complètement. Il a désagrégé l'État en fait, les institutions de l'État. Et ça donne les problèmes que connaissent maintenant les Algériens, les problèmes de la société, les problèmes de l'économie, les problèmes de la santé, les problèmes de l'éducation, l'éducation nationale, la recherche, tous les problèmes viennent ça vient du problème fondamental de l'illégitimité du pouvoir. Quand on a un pouvoir qui est illégitime, ben il fait n'importe quoi, il devient très très corrompu, il vide les caisses de l'État et ils sont dans une position de bradage de l'Algérie, de ses richesses, de ses capacités. Et 25 ans plus tard, je pense que tout reste à faire, bien sûr pas avec violence, puisque je suis contre la violence et je pense qu'il y a des solutions politiques et il faut travailler sur des solutions politiques, et elles existent, les solutions politiques. Des fois il y a des gens qui te disent allez mais comment, mais non il n'y a pas, vous ne proposez jamais de solutions politiques et tout. En fait non, les solutions politiques elles existent. Les gens qui veulent nier le fait qu'il y a des solutions politiques, c'est parce que ils ne veulent pas que ça change, ils veulent que ça continue, ils préfèrent la situation actuelle d'illégitimité du pouvoir et de dictature en fait, c'est-à-dire c'est le hukm bil quwa ou bil ta'assuf ou bil la manipulation, bil trafic. Les gens, ceux-là, yani, ceux qui disent ça, ils préfèrent le statu quo. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que voilà, 25 ans plus tard, tout reste à faire. Raouti, donc encore une fois, je remercie les gens qui sont en train de nous écouter. Inama kuntum taqdrou tdakhlou ta'tiou ar-ra'y ta'akom kima rani ana na'ti ar-ra'y ta'i machi mouchkil. Chacun son point de vue, tous les points de vue se respectent, il suffit de respecter aussi la façon de dire les choses. Maranach ana bach nsebou nsebou nnas ou la pour être violent ou la za'af et tout, c'est juste une question de point de vue. Tout le monde peut intervenir, taqdrou tahdrou lna bl'arabiya bl'français ou la bl'qbayliya. بابكم لي لونغ الجيريان اللي يفهموها الناس يعني هكا ميم سي انا نهضر شويه فرونسي جيم با سا يعني مي بون لا غالب سا في 15 ans maintenant que je suis en France راحت لي شويه هكا اللغه تاعنا الدارجه ولا القبيليه نخلط فيها بزاف فرونسي مي بون ما جو في با اكسبري مي الناس تقدر لي جون سي فولي ابلي vous pouvez intervenir en français ou en arabe ou en arabe, il n'y a aucun problème. مرحبا بكم. Donc c'est sur Skype si vous voulez intervenir et nous sommes toujours sur Radio Chicha. Nous sommes en direct comme je vous le disais, Radio Chicha tous les samedis soirs, tous les Qanat Al Hurriya, c'est la liberté d'expression puisqu'on ouvre l'antenne, les gens ils interviennent comme ils veulent, c'est en direct et c'est libre. La liberté, qui me dit, il faut jamais lâcher la liberté quand on te donne la liberté ou là quand tu as accès à la liberté, il faut jamais la lâcher. Je pense que tout le monde a le droit et le devoir d'exercer sa liberté en fait. C'est une croyance chez nous. Moi, j'y crois à vie. Donc voilà. En attendant vos appels, encore une fois, c'est sur Skype. Il habite tout à l'heure. Chicha DZ sur Skype. Chicha DZ, tout attaché. Et en attendant, je vais vous passer quand même ce que je vous ai promis tout à l'heure. Je vous ai promis l'extrait du film. Algérie, un peuple sans voix. Ça dure à peu près 10 minutes, plus exactement 10 minutes et 37 secondes. Ça parle des événements d'octobre 88. C'est un film Canal+. Je vous laisse écouter ça et puis pendant l'extrait, on va pas prendre d'appel, mais après l'extrait, vous pouvez nous appeler sur Skype. نلتقي بعد لحظات. استمعون إلى راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. Non, je ne dirais pas disproportionné. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. L'armée nationale populaire, l'ANP, a tiré sur le peuple. La société est sous le choc et le régime discrédité. Mais octobre 88 va libérer la parole. Bravant la censure, des journalistes courageux vont parler malgré la sécurité militaire, la redoutable police politique du régime. En fait, très rapidement, on a commencé à entendre parler de mort et de torture. Et là, on décide, une amie journaliste et moi, Baye Gatsmi et moi, d'aller enquêter. Certains services de sécurité, n'ayant pas été capables de désigner des responsables de l'émeute, et étant persuadés qu'il y avait une main étrangère, je dis bien une main étrangère, un complot étranger derrière ces événements, ont procédé à des arrestations massives, et on s'est essayé de faire parler les gens, sous la contrainte, sous la torture, pour remonter à la source. On nous faisait passer à l'électricité au niveau d'une pièce qu'ils appelaient la salle de torture. Il y avait 6 à 7 personnes. On nous accrochait tout nu sur un sommet avec une métallique, avec des menottes. Ils nous versaient de l'eau pratiquement sur tout notre corps pour qu'il soit bon conducteur. Et nous bouchaient pratiquement, ils nous mettaient dans la bouche un chiffon, des fois tantôt de l'eau, tantôt ils nous aidaient. Les témoignages de cet enseignant et de dizaines d'autres victimes de la torture, militants de gauche, jeunes manifestants, islamistes, sont publiés dans un recueil. Mais ce cahier noir d'octobre restera sans conséquence. Les mises en accusation, en fait, du point de vue juridique, il n'y en a pas eu. Le pouvoir a très bien vécu avec le cahier noir. Le cahier noir nous a servi que que comme instrument de mobilisation d'opinion. Mais du point de vue juridique, on n'en a eu aucune. Le FLN ne peut plus parler au nom du peuple. La génération qui a pris le pouvoir en 62 est au pied du mur. Si le président Chedli veut sauver sa peau et sauver le système, c'est toute la maison FLN qu'il doit rénover. حل يكمن في معالجة مشاكلنا بهدوء وطرح القضايا بكل موضوعية اعتقادي بهذا الأسلوب نعالج مشاكلنا وسوف نواجه كل الصعوبات السياسية والاقتصادية بهذه الإصلاحات وبالأخص الإصلاحات السياسية شادلي لديس quand il est venu parler de révision de la constitution, le multipartisme, maintenant, c'est une idée qu'on n'a jamais revendiquée. Mais franchement, on n'avait pas de conscience politique, encore une fois. On n'était pas là pour dire que voilà ce qu'on veut. Non, on savait ce qu'on voulait plus. Ce dont les jeunes ne veulent plus, c'est de cette Algérie de papa. Cette Algérie qui s'est dressée fièrement en 62, mais qui n'a pas tenu ses promesses. Au sortir de la guerre contre la France, l'Algérie est libre, mais exsangue. La colonisation a divisé la société. Elle l'a détruite au plus profond. En 1962, elle compte 9 millions d'habitants et seulement 750 étudiants à Alger. La joie de l'indépendance est de courte durée. En coulisses, on se bat pour le pouvoir. Les politiques du gouvernement provisoire sont écartées par les militaires de l'armée de libération nationale. L'Algérie est mal partie. Le président Ben Bella, collé par son ministre de la Défense Houari Boumedienne, sauvegarde les apparences d'un pouvoir civil. L'État algérien n'a pas d'héritage dynastique ou monarchique. Il est issu du droit à l'autodétermination. Et dès l'instant où ce droit a été confisqué, il y a une illégitimité originelle. Et les conséquences de cela a été la confiscation de toutes les libertés d'expression, d'organisation, de participation aux Algériens et aux Algériens. Le rêve des Algériens, c'était à la fois la liberté et l'égalité. Avec Ben Bella, Boudiaf et d'autres qui avaient été emprisonnés par la France, Hossein Aït Ahmed est l'un des leaders historiques de la lutte pour l'indépendance. Avec Boudiaf, il figurera longtemps parmi les principaux opposants du pouvoir algérien. Il puise son combat en Kabylie, une région frondeuse qui a sa propre langue et sa culture. Ben Bella est renversé par le numéro 1 de l'armée, Houari Boumedienne. Avec ce coup d'État, le ton est donné. Tous les dirigeants historiques qui avaient une autre vision de l'Algérie ont tous été écartés. Je voudrais vous demander ce que les étudiants pensent de ce qui s'est passé à Alger. Là. C'est pour qui? C'est pour la télévision française. La télévision française. Eh bien, je peux vous dire que les étudiants, ils passent beaucoup de mal ce qui s'est passé. Et là, vous considérez que cette prise de pouvoir du colonel réactionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, réactionnaire? Typiquement fasciste par la manière dont ça s'est fait. Fasciste dans la manière, mais peut-être pas fasciste dans les prolongements. Ah, par fasciste dans la manière, les prolongements obligatoirement suivent. Notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. Au début, c'est l'enthousiasme. La révolution agraire, les terres collectivisées et l'industrie industrialisante, comme l'on dit joliment, semblent riches de promesses. Mais très vite, on déchante. Les grands complexes industriels sur le mode socialiste se révèlent totalement inadaptés aux besoins. Et l'agriculture est littéralement cassée. Houari Boumedienne lance un autre grand chantier, l'arabisation de l'éducation. L'Algérie indépendante veut s'affranchir du passé colonial et donc de la langue française. Talab Ibrahimi, ministre de l'éducation, sera l'un des promoteurs de cette politique. Je suis très fier de ce que j'ai fait pour la culture de mon pays. J'ai fait peu avec les moyens du bord et je n'ai jamais avancé d'un pas sans préparer les moyens. Jamais la rapidisation n'a été sauvage. Si le niveau était faible, le niveau de tous nos enseignants était faible. C'est le résultat de 130 ans de mission civilisatrice française. Mais l'Algérie nouvelle n'a pas assez de professeurs. Alors on fait venir des enseignants des pays frères, des coopérants, souvent médiocres. La démarche du pouvoir en ce qui concerne l'école n'est pas une démarche de culture. Un pays vaut ce que vaut sa, son école. Or, l'école algérienne a été faite d'une manière démagogique. C'était une démarche revancharde sur la langue française. Revancharde de la part de qui? De la part des gouvernants, de ceux qui ont pris le pouvoir, de ceux-là même qui ont envoyé leurs enfants vers les universités occidentales. L'Algérie est riche d'influence. Et son identité ne se résume pas seulement à l'islam et à l'arabité. Une région, la Kabylie va le rappeler fortement au printemps 80 en se révoltant pour défendre sa culture. Je dis toujours qu'un véritable Algérien est celui chez qui coexistent harmonieusement la berbérité, l'arabité et l'islamité. Et si vous touchez une de ces composante où vous voulez l'occulter, se développe le berbérisme, se développe l'arabisme, se développe l'islamisme. Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir, je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète, entre Mohammed et de nouveaux prophètes, moi le choix ne s'impose même pas. À partir du moment où on a reconnu l'islam comme religion d'État, l'islam en tant que religion n'a pas échappé à l'instrumentalisation systématique par le pouvoir. Les mosquées étaient devenues, comme au temps de la colonisation, de tremplin pour la propagande du régime. استمعون إلى راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. Voilà, Khaouti, nous étions en train d'écouter. On était en train d'écouter l'extrait du film Algérie, Un peuple sans voix. Donc c'est juste la partie où ils parlent les événements octobre 88. Sinon, nous avons un appel. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, Samir, c'est Mourad Salhi. Mourad Salhi, marhaba bik. Nous sommes en direct, merci beaucoup pour l'appel. Tu m'entends, Khoya? Voilà, Anis m'a fait très bien, oui, très exactement, bien. Voilà. Très bien, très bien. Donc, le sujet de ce soir, c'est les événements d'octobre 88, l'anniversaire d'octobre 88. On voulait faire une émission haka, souvenir, awalan. Chacun, il a son souvenir, il a sa façon de vivre, comment il a vécu les événements. Et aussi, on voulait peut-être aborder le sujet du côté, les enseignements. Quelles leçons on peut tirer des événements d'octobre 88 ou là même de tout ce qui était arrivé par la suite. Je ne sais pas si tu as un avis sur ça, marhaba bik. Merci Samir encore une fois, c'est ce que tu es en train de faire. C'est gentil. Et puis il faudrait toujours dire merci parce que j'imagine que elle n'est pas facile, mais tu l'as fait vraiment avec talent. C'est gentil. Voilà Samir, écoute, le sujet est important bien sûr, c'est l'anniversaire du 5 octobre 88. Voilà. Donc, je me rappelle bien, j'étais contre l'école, mais voilà, à Alger, qu'est-ce qu'il y a eu? Surtout, on a dit l'USND. C'était vraiment donc une révolte populaire. Et ce qui a été spontané, parce que McKench fait un leader, c'était un ras-le-bol. ما كانش ان بارتي بوليتيك ولا زعما ائتلاف ثوره ولا جماعه ولا تيزيتيديون سيتي هكذاك سيتي كاع الناس كانت على كيما يقول لك على وتيره واحده نفضوا من اجل تما المعيشه والفساد اللي كان كاين باسكو اوسي سيتي لا كوربسيون اوسي يافي لافير تاع لو فيس تاع شادلي ولا فوالا هكذا يافي كوم ان هيستوار كيك شوز تاع دراهم ميتو فوالا الناس ماتوا الله يرحمهم اللي ماتوا هذاك الوقت واش لوسون باغ اكزومبل نقدروا نتيريو منها لا لوسون دي نقدروا نتيريو منها ما كانش حنا توجور نقولوا اي لا سونكور اون فوا بون سيتي لا بروميير فوا ولا لا دوزيام ولا ما على باليش ما كانش محاسبه ما كانش واحد يتحاسب اون تي كوم سا دي الجيريا دون لي رو ما كانش اللي يتحاسب فرنسا قتلت ما حاسبناهاش صراو من بعد جاوا صحاب لي بوتشيز تاع لي كوديتا اللي صراو دونك ابري لانديبوندونس قتلوا لي ريفوليسيونير وقتلوا حتى لي حركيه كنا كيفاش يقول لك لي حركي حركي ما تقتلوش تو سويت ماشي فوضى حركي ولا واحد دار عفسه ولا نورمالمون تكون كيفاش تقول دوله قانون وتكون عداله وتكون تحقيق باش الناس وتعاقبوا ولا ما تقدرش هكذاك تقتل ثاني اونكو قلت لك اون فوا 5 اكتوبر شغل ما كانش جوستي ما كانش واحد شغل تحاسب مازال مش واحد تحاسب على واش دار في 5 اكتوبر ابار لي بلور هذوك تاع البريزيدون دو لا ريبوبليك الله يرحمكم مبشاد لي شغل يا با يو كيك شوز هكذايا كونتر ما كانش تفضل لي ريسبونسابل فوالا اكزاكتومون تفر توجور اونكور في الشعب اونكور اون فوا ومن بعد حنايا تما تعملنا شغل باللي شغل كي حبست وكاين تعدد ديال الحزبيه جو مغابيل انا كنت جون جو مانتيريسي بوكو قول جو مسوي دي خلاص بالك نولو شغل اوفر نولو بالك الديفلوبمون لا ريشيرش بالك نخدموا الطوموبيلات باسكو جو مغابيل هذيك لا بيريود كانوا يهضروا قال لك نروحوا نخدموا الطوموبيلات ومنا فريمون جيتي جون قلت شغل جيتي فريمون رافي قلت حاجه مليحه بصح حنا لو بير كان يستنى فينا كان جاينا لو بير مالوروزمون دونك لي لوسون اللي نقدروا نتيريوها من تما يفودري لا بروشين فوا الناس باغ اكزومبل يجيهم ان كونسيونس باغ اكزومبل دو سيفيزم كي تصرع فيها هكذايا يلزم هذا حق واحد مات ولا الاخر يلزم يتحاسب المجرم سي با بوسيبل دوله القانون لازم تكون هكذايا ها هي لا لوسون قيل نيميرو اللي نقدروا نتيريو منها امون افي Très bien. Et est-ce que, c'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord. En plus, Kima Gultbili, c'est par la suite, après les événements d'octobre 88, il y a eu beaucoup d'autres événements où une tqatlou bzef jazairin bi tariqa yani anifa. Et à ce jour, jamais des gens n'ont été jugés d'une manière transparente. On n'a pas fait de recherche de la vérité et on n'a jamais rendu la justice. C'est vrai que c'est une leçon énorme. Mais sinon, est-ce que, par exemple, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'à la belle, qu'on a fait quand même ces événements octobre 88, ضد النظام الديكتاتوري on a fait ça pour la démocratie pour la légitimité تاع النظام puisque après on a créé le multipartisme puisque c'était ça on avait un parti politique unique on بعد les gens تفضوا قالوا انه لا فيه جزائريين عندهم افكار اخرى عندهم des idéologies différentes ils ont droit de faire des partis politiques ils ont droit de participer aux élections etc. Mais est-ce que maintenant, 25 ans plus tard, est-ce qu'on a atteint les objectifs hadouk? Est-ce qu'il y a une démocratie? Est-ce que ta'adoudi al-hizbiya, l'Iran al-aïchou fiha, est-ce qu'elle représente la société et des choses comme ça? Qu'est-ce que tu en penses, Nta? Exactement. Chouf, il y a un mot en français, il y a le malheur des uns fait bonheur aux autres. ولا ديزفيرسا مانيش فوالا شوف سي فيري جابت نتيجه 5 اكتوبر نقولوا يعني جابت نتيجه كيما نقول لك النظام فهم وقالوا تحلت والناس دارت كيما نقول لك الملتي بارتيزم اي تو سا والشعب الى جوي لو جو يفودري دير روسيا لا جوي لو جو كانوا احزاب تحسوا واقيلا 60 ولا فايت 60 حزب تو ومن بعد الشعب الى شوازي سا سا ايتي لي جون ايزون جوي لو جو الشعب الجزائري زغل ماشي قاصر ولا يعرف دونك فوالا هلاس صارت انكور تكليخه وحده اخرى ودخلنا في العنف حنا في الجزائر عندنا مشكل اون الجيري اون لازامي سو جيري كلكو شوز افيك ان باسيفيزم ولا افيك الناس عقاله ولا افيك دي جون فريمون ساج كي زون دي نو ستوب اون بو بيتيت ريبورتي اون بو كوميم ديالوغي نو alors c'est toujours la force qu'est-ce qu'il y a eu il y avait une dissine noire qui est venue juste après hein on va pas rentrer dans les détails parce qu'on en a pour une semaine ici mais je voulais juste abréger comme ça hélas l'Algérie elle a ouvert les portes et ben non il y a certaines catégories des gens, ou là, des généraux, ou là, des gens qui étaient à la tête de l'État, ils ont dit non. Nous, on connaît mieux que les 30 ou les 25 millions à cette époque-là. Voilà. Et puis voilà. Quand nous, des symboles, il faudrait dire, après, donc, quand il y avait le multipartisme, quand nous, encore des symboles, quand nous, Bimbella, Allah, Rahmo, quand Aït Ahmed. Mais elle le hait, la hait de le cher, qu'elle vraiment joue le mehri, qu'elle joue des gens, joue le kimakolo, joue l'un d'hommes quand même, un domine tâche révolutionnaire, ou là c'était vraiment joue le Rijal Jazair, mais que je vois dire encore Hada, t'as autre tel fma, ou là, ou là, qu'il y a Rijal Jazair, c'est un mot d'or Jazairia, un qui veut, j'ai un as ou d'orin, ou qu'elle a un arfo, khermenkum, ou d'orlo benel, ou zadou d'orlo bled, fi eswa, y a un état de degré ou d'or, malheureusement. Le problème il est là. Le problème عندنا حنايا كي نشوفوا ليستوريك سمير par exemple تاع الجزائر من الاستقلال والروح ما عندهمش الحوار عندهم الاقصاء شوف عندهم القتل ولا النفي ولا السجن ما كانش ديالوج هذه لاحظناها ما عندهمش عندهم يا السجن يا ينفيوك يا يلصقولك تهمه يا يقتلوك ما يدخلوش لو جو بوليتيك يقول لك نو هذه الخطره خسرنا اون فا ايسيي دو ريكولتي لي زيرور ديالكم اون فا proposer une alternative, n'est-ce qu'il faut dire, et ainsi de suite. Ou l'état d'aoul, soldat. Non, c'est tout de suite. C'est tout de suite, on sait, on sait, هذه هي شغل لا ريبونس ديالي اللي حبيت ريبون بها لك شغل الناس لعبت لو جو بوليتيك اي با نو سا با مارشي وعلاش الجزائري فهم كي صرات هذيك لا ريفولوسيون عرب ما تنساش بلي سيتي لا بروميير ريفولوسيون دون ان بي عرب اللي جابت لي فروي ديالها توت سويت جابت يقول لك ناس حلوا انفيلتري فرنسا مي بصح جابت لا كونت لي جون ايزون بوسي ايزون اكسبريمي لور غالبول جابت نتيجة صار الملتي بارتيز و سيتي تري بيان انا جو مرابيل لا ديكلاراسيون بار اكزومبل تاع المهري و ايت احمد قال لك خسرنا دي سياج اون ايتي فوالا خسرنا ولكن اون كونتينيو كوم سا وما قالوا لهم نو نو نو نو وا با كونتينيو كوم سا توت سويت لا ريبريسيون عطيك صحة ميرسي سي تري كلير اون بليس انت تو دي بلي جابت كون ميم دي فروي ايتترا سوف كو يا يو il y a eu des gens qui ont décidé de faire autrement, ils sont passés par la force des blindés, comme on est en train de le voir par exemple en Égypte, je pense que tu seras d'accord exactement. Avec moi. Voilà. Ah, exactement, c'est vraiment copié conforme à l'original, il n'y a pas, c'est la même chose. Voilà. C'est là, on n'accepte pas l'urne, hein? On défend la démocratie, on défend tout ça, mais on n'accepte pas l'urne. En fait, l'urne, quand elle le donne, on va la chanter, quand elle ne le donne pas, on va essayer de trouver quelque chose. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, si par exemple, tu arrêtes le processus démocratique sans dégâts, mais allez, ça souffle. Au détriment de qui? Du peuple. Je connais ça de l'Eitmout. J'en suis sûr et certain. Celui qui a perdu, ou la deux, qui n'a pas la politique, qui n'a pas la politique, qui n'a pas la politique. C'est malheureux. Parce que ماشي درس في الدول العربيه تقول الدوله الجايه ما ديرش كيما دارت شغل ولات ان سوليسيون لا فورس هذه ا مون افي جو فوا سا لا فورس ولا شغل فوالا دي زيكول فوالا قال الجيري واش داروا لا فورس نو غافير لا ميم شوز هذوك واش داروا ديريكتومون انديريكتومون مي سي برك سي لو ميم مول سي دوماج علاش سامر شوف لي زاني 80 كانت وسمو كانت لاميريك لاتين بدات تتحرر ومن بعد لوروب دو ليست هكذايا ومن بعد قال لك بقى غير الكونتينو العرب هذايا وكي بدات تتحرك ما تحركتش كيما تحركوا لي بي دو لاس ولا لاميريك لاتين ولا تحركت مازال عندنا الناس فريمون ما يستعرفوش بالديمقراطيه ما يعرفوا لا حقوق الانسان لا اي شيء يعرفوا الدم والقتل والاقصاء سي لا رياليتي اللي لا هذه هي امون ابي Juste un autre point en fait, Anaya, j'avais pensé à ça, je le disais dans mon blog, j'avais écrit un petit mot à propos de ça, et ce que je pense c'est que Anan von Billy, surtout avec l'expérience, parce que ça fait 25 ans quand même, et puis il s'est passé beaucoup de choses depuis, avant que les choses qui ont été faites après la période de 88, 89, 90, 91, ça nous a, à mon avis, ça nous a appris quand même des choses, plus le fait que depuis 2011, le Fnahiyat Anaf, le Mantekal Arabia, sera صارت في احداث جابت تغييرات plus ou moins تغيير etc. Il y a des événements. Et je pense qu'on peut tirer quand même des leçons. Moi, j'ai envie de tirer une leçon qui me semble importante. Troul Billy, nous, nous, les Jazaïriens, en octobre 88, ou les années qui ont passé, nous avons fait une fadiha avant, dans la manière de mener le changement. À mon avis, je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et puis, c'était il y a 25 ans, mais Chiki Madurka, on sait tout, à la belle Nakifa, où je faisais d'autres expériences et tout. En 88, c'était différent, bien sûr. Mais avant un nous, parce que ma, on n'a pas fait attention à quelque chose d'important, c'est que Tahir Lazmikoun Andou Mabadeh ou Andou des étapes qui sont importantes à atteindre, et si on ne les respecte pas, ça peut donner de graves problèmes. Je pense que dans le cas algérien, c'était ce qui s'est passé, puisque on a essayé de faire Tahir, mais dans des conditions pas normales, en fait. Par exemple, Nizam Houa Lirir le Doustour. تساوثمانين غير الدستور ودخل فيه تعدد ديال الحزبية. انسويت النظام هو اللي نظم كل الاستفتاءات اللي جات من بعد. Celui qui a organisé, il a proposé à la société de créer des partis. Allez, les gens, ils ont créé des partis. C'est vrai que c'était une anarchie. C'est une anarchie qui a été gérée par l'État. C'est le régime qui a géré tout ça, en fait. Et après, on a organisé des élections. C'est aussi le régime qui a tout géré. Et dans tout ça, dkhalna fi lu'bat an-nizam, lu'ba hadhi داتنا مباشرة إلى انقلاب وإلى عشرية دموية وإلى 25 سنة تاع لا شرعية. Avant, un autre alta, c'est-à-dire, c'était vraiment une erreur, parce que quand on veut faire un changement, il faut, je pense, des bases. La base première, c'est, à mon avis, d'arrêter, de neutraliser Nizam fi l'hayakil ta'ou. Ça veut dire que, il a pina ndiru tahir, lazm nqoulou, à partir d'aujourd'hui, ma fihach boulis siyasi. ما قدروش نديرو التغيير وبولي السياسي مازالو هنا ويدير هو ينظم les élections et tout. Je pense qu'il y a un problème en fait. Et on l'a payé très cher par la suite. Et il y a une autre base qui est très importante, c'est pour faire un vrai changement qui a un sens, il faut aller vers une assemblée constituante. Moi, c'est ce que je pense. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais je pense qu'il faut aller vers une assemblée constituante. On a un exemple qui est l'exemple tunisien actuellement. Même s'il y a l'exemple égyptien, mais l'exemple égyptien, il a été cassé par les militaires. Mais l'idée, c'est qu'il faut aller vers une assemblée constituante. L'assemblée, elle est là, elle est là, les élections. Elle est là, un agenda électoral, c'est-à-dire dire des élections législatives, on va dire des élections locales, etc. Donc, الشعب يتحكم في الأمور باش يروح للتغيير بطريقة يعني جدية وبطريقة عندها معنى تغيير حقيقي تغيير جذري. Eh ben, en 1988, 89, 90, ما كانش هكا. En 1988, 89 et tout, النظام il a cédé un petit peu. قال لك ما لا هكا نديروا لكم أحزاب سياسية عوضا يكون فيه 10 15 حزب سياسي مثلا. On a eu 100 partis politiques, انا نشفعلها يعني الشيفر هذا تاع 100 ولا 60 كما قلت انت. Et ça a créé une grande خلطه. On a noyé le peuple dans des faux problèmes en fait. Et c'est pour ça que les gens ثاني انا نشفعلها بلي les élections, les gens ils participaient pas, qui a fait un taux d'abstention énorme. Allez, parce que Nizam, c'est lui qui gère tout, et le peuple ne se reconnaît pas dans Nizam. Avant que nous, le peuple ne t'affaire, il y a un peu de changer Nizam. Mais pas de violence, mais de changer, c'est un changer réel. Et ça, c'est une erreur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Écoute, Samir, donc, on va dire, donc, les amis, ils m'ont fait l'air, ils ont dit, Il y a la famille d'Assamir, ce que tu as dit, franchement, je partage, mais sincèrement, Orbi Chahed. On est d'accord, c'est bien. On a déjà parlé avant, on est d'accord. Ouais. Voilà, non, mais il faudrait dire les choses. Chauf, Abdoulou, par exemple, qui m'a dit au début, Chauf, par exemple, la révolution Linder, le 88, avec le ragball et tout ça, les gens ont fait le cliché. Moi, j'en connais, je connais les gens, donc, ils ont fait le hukouma ou chalou. كي كانوا هادوما الثورة العربية اللي يسموها لو ريفي يا رب هذايا قالوا قال لك حنايا الثورة درناها في 5 اكتوبر تعاود تروح لهذا الانسان اللي قال الثورة تاع الجزائر داروها في 88 هما يزيتي كونتر هذيك لا ريفولوسيون اكزاكت On a vu les gens du FLN dire بلي حنا درنا ثورة في 88 يزيتي كونتر et pourtant c'était contre eux qu'elle était faite هما اللي قتلوا 500 شاب جزائري par exemple الناس كانوا بزاف يقولوا قالك لي زوكسيدونتو كيخرجوا منظمين يخرجوا منظمين باسكو عندهم كيما عندهم une constitution عندهم des votations منظمين دونك لا شوف الشارع يخرج على حساب الوجهه تاع حنايا في الجزائر كانت شوف ريبريسيون كان البوليس السياسي كانت بكري تهضر بتقول بومدين في الضحكه يرفضوك يحكوا لي ناس بكري والله اعلم درك انت كي يخرجوا لك الناس كي واش يديروا يكسروا ويديروا سي فري كو سي با بون ما نعيطوش نقولوا الناس يكسروا بصح دان كوتي علاش يكسروا ماشي عم يكسروا واش اللي دفعهم يكسروا سي كيفاش يقول لك لو بوا تاع الفساد بي لا ريبريسيون اللي كانت هذاك الوقت هذاك هو الفروي ديالها دونك ايزون كيفاش يقول لك ريكولتي سكي زون سومي شغل على حساب لا دوزيام دي شوز واش قلت نتايا يلزم لي دونك ان اسامبلي كونسي اكزاكتومون سا سي سا سي سا ذهب نظام يقولوا الناس ذهب نظام ويجي نظام بصح قبل ما يجي نظام يلزم كاع الشعب يشارك ما تقدرش تقول لي هذاك ما يفوتيش كاع الشعب يشارك اي واحد حب يشارك ومن بعد كي يخيروا الشعب ويديروا انه كيفاش يقول لك مرحله انتقاليه يشارك فيها جميع الجزائريين هكذايا ومن بعد لما تندار هذيك يلزم تعاود تولي شويه للتاريخ يلزم تقول واش اللي لحقنا لهذا الشيء يلزم الا كاين دي كوباب يتحاسبوا حتى ويكون كيما يقول لك انا ولا نتايا وحده يا خويا القانون نبداو بروحنا باش تبني دوله القانون علاش باسكو كي دير هكذاك والناس يقول لك امي يولوا اللور راهم يحاسبوا هاد لي جون شغل عندهم كريديبيليتي سي بون مي يتحاسبوا يا خويا اللي خسر يتحاسب باسكو يا غيان سوري هكذا ما قدروش يروحوا الناس هكذا سي امبوسيبل يتحاسبوا ومن بعد كي يتمثل الشعب حب يقول يمثل في كل شيء يمثل يشوف باللي هو راه عنده الصوت هو عنده لا ليجيتيميتي يكمل ينشط يدخل في اللعب الشعب والله حتى تلقى ديزيسبيري كلش يشوف فيها يقول لك كاينه شويه الخير هنا بالك او زهر هنا بالك او لافنير ديالي هنا اون فالي سويف الشعب تاعنا ماشي كتب عليك اللي يقول لك شعب حقودي وتاع مشاكل نو غالب عليه الشعب لا غالب عليه ها انا ثاني شكروا با جو بونس كو لي الجزائريين كيما كاع الناس وكيما البلدان الاخرى وكيما الشعوب الاخرى يزاسبيرا لا بي يزاسبيرا دي سوليوشن يل ريف دو ميور افنير بور او بور لور انفون بور لور باي بيان سور كاين بزاف ناس يقول لك الشعب اللي تي تروماتيزي عاش الجحيم لو لي بروبليم تاع البون كي ندخلوا باغ اكزومبل دركا ندخلوا للشعب الشعب سي كوا سي انا وانت سامير خويا انا وانت بالعائله ديالنا كاين ناس عندهم مشاكل حتى داخل العائله حتى لما انسان دحسو طوموبيل واحد يقول لك شوف شي يمشي الشعب ما على بالوش وراه رايح هو راه يمشي بصح راسو راه بعيد الله غالب راه ديزاستر كبير اللي لحقت ليه الجزائر دركا سي سا دوك هو الشعب الى لقى ناس فريمون تاع لا كونفيونس وناس فريمون شافهم يخدموا ويشوف انت واحد تشوفو باغ اكزومبل ان ارتيست يخدم بيان tu vas pas dire que le mec يخدم bien تقولو يخدم bien il fait des bons travaux quand même الناس حتى و je suis contre lui ولكن il fait des bons travaux ça c'est une chose la deuxième des choses ما تنساوش باللي la dessine noire elle a divisé le مجتمع la société elle est divisée درك انا حنا كانت لنا الفرصه كنا في تركيا هاد الايامات وتلاقينا مع بعض الناس والناس هذوما كاين نحييهم جات ام هاد الام هاديه خطفوا لها زوجها تحكي لنا قالت لك انا راني مجروحه ماشي فيا انايا زوجي راح ما جاش خلاص خطفوه ما باليش وراهو بصح ولادي مقصيين من المجتمع قلنا لها كيفاش قالت لنا مقصيين من المجتمع عندهم دراسات ممنوع عليهم يجوزوها كاين معاهد ممنوع يدخلوها الجيش ممنوع عليهم يديروا الخدمه الوطنيه كاين مناصب في الدوله ممنوع عليها قالت لنا هذيك بومبا روتاردومون داروها لنا كيفاش يرحم باباك انت درك هذا الطفل اللي كبر في هذه الوتيره هذه ولا ما عنده حتى حاجه وشاف روحه اكسكلود لا سوسيتي هذا لازم تروح ليه باسكو لما ما تروحش ليه او يجي ليك بصح يجي ليك بصفه اللي ما ترضيكش كيفاش باش الا فهمت واش حبيت نقول لازم تروح ليه ولما لما تروح ليه علاش يقول لك العداله لازم تكون العداله لما يشوف باللي اللي دار خلص يقدر يتطفل الجمره ديالو بصح لما يشوف باللي البلاد تمشي هكذا ويشوف الناس يقول لك انا ضيعت ابي انا كيفاش تقدروا انتم شوف واحد يرحم باباك حكات لي انا يا يما ضيعت الزوج ديالها فوق فرنسا زوجها الاول وقتلك بعد الاستقلال الناس بزاف كانوا يبكيو كيفاش يقول لك لي مور ديالهم قال لك شوف مساكن راحوا ما لحقوش في هذه الفتره هذه تاع الاستقلال تكون تا غدوه لما الجزائر تبنيها تكون عندك اون بارتي تاع لا بوبولاسيون ماشي 500 واحد ولا 1000 واحد جمال راي ملايين تجيهم حرقة تقول لك دفعنا الثمن خويا ما تقدرش تقصيني انا قلت لك عبالك الازمة الجزائرية دخلت عبالك حتى نقول لك ليفان تاع لي كور لي كوريما دخلت لتما هذيك الازمة شوف كيفاش باش تعاود نتايا دير دي فونداسيون جدد باش تعاود تبني دولة يلزم تكون كاع هذوك لي سيكال هذوك يلزم كاع يتغلقوا باسكو يخرج لك بروبليم ومن بعد سامر. C'est vrai. Je pense que tu le dis très bien, à mon avis. C'est la preuve, à mon avis, Billy. C'est-à-dire, on ne peut pas. Galta, les derniers, il y a 90, 91 et tout. Mais tu peux dire un vrai compromis, mais bien gare les Jazaïriens. Les gens se jamouent autour d'une table. C'est à ça que sert normalement une assemblée constituante qui m'a remis dire où elle tourne ça actuellement. Ils jamouent autour d'une table, ils hadrent sérieusement, ils règlent tous les problèmes. Par exemple, s'il y a des litiges historiques, s'il y a eu des périodes sauf s'il y a eu, par exemple, des opposants qui sont passés par la prison, etc., tout ça doit être débattu. Et c'est eux qui vont venir débattre, en fait. C'est eux qui vont venir dire, wana qtlouli l'aïla ta'i, wana achtahaka. Et ça pose problème, bien sûr. Et c'est autour de ça qu'il faut parler pour trouver un compromis entre tous les Algériens, où on tafkou ga, on goulou el khawa khlas, c'est bon, on a réglé nos problèmes, on a rendu la justice, on a récupéré la dignité ta nes, atina lhom el haqq ta'hom, maintenant on doit construire, andna doustour, ou andna qawanin, ntabqouha bi tariqa démocratie, ou bi tariqa yani bidoun, ma naklou fi haqq aya wahed. Et c'est comme ça qu'on construit. On peut faire des élections législatives, on peut faire des élections présidentielles, ou nahtarmo le nataij l'istiftaat ou l'iqtira. Et c'est comme ça qu'on peut construire. Je pense qu'en 1980, la période hadik ta 3 sanawat ma bin 88 ou 92 ou la 91, on n'a pas respecté ça en fait. Nizam, il a organisé un processus. C'est un processus qui le concerne. Le malheur, c'est que les partis politiques à l'opposition dans le système ou le processus de Nizam. Mais quand nous avons fait ça, aujourd'hui, dans la chaîne Maghrebia, nous avons des extraits vidéo de la période où les émissions de télévision et tout, donc 1989-90 et tout. وين كان فيها مهري الله يرحمه وين كان يهدر مع عباسي مداني تاع الفيس ايتترا سي ان ديبا دو نيفو اي اون فوا لا اون فوا ان فيت لا ماتوريتي بوليتيك اي تو مي جو بونس كو ميم سي اون ريغارد سا بيان سور افيك 25 ans de recul hein, c'est facile bien sûr mais parce que quand on est sur hakaf l'ahdath on le voit autrement mais on tire quand même des leçons je pense que on a vu comment Mathalan le fils Ken il essayait de gagner des élections contre le FLN et puis le FLN شفنا يعني ونعرفوا l'histoire بلي مهري مثلا كان من الناس اللي حابين التغيير وكان يدافع على التغيير وكان في FLN d'ailleurs ils l'ont débarrassé par la suite مهري lui ont fait un coup d'état entre guillemets ah oui bien sûr mais on voit absolument. On voit Blé, le fils, il essayait de gagner des élections, et alors qu'on a, on n'avait rien garanti, on n'avait ni discuté Binet El Jazairie, on n'avait pas mis en place un système électoral qui soit normal, on n'avait pas mis en place un compromis, c'est-à-dire, ok, d'accord, dire ou des élections, mais les mecs gagnent, les principes fondamentaux de la démocratie. Tu fais le mettre qui fait يعني الانقلابيين كانوا يديروا لا بروباغوند كانوا يقولوا باللي شوفوا في الفيس شوفوا اللونغاج تاعهم شوفوا الديسكور تاعهم اذا حكموا البوفوار يديروا علينا ديكتاتورية في مكان ديكتاتورية بوركوا الانقلابيين كان عندهم الديسكور هذا تاع لا بروباغوند هذه علاه باسكو اون سي جامي مي اوتور دون طابل بور سو ميتر داكور سور سور لي ريغل لو كان اون افي في اون اسامبلي كونستيتوانت اي اون ا ديسكوتي بيناتنا Personne ne va venir faire de la propagande. Il y a on s'est tous mis d'accord. Hey, les règles qu'on doit tous respecter, on va tous les respecter. Mais quand je les dis que Berlin a ou les dire la propagande ou les termes foulain blé à nous habiter dictatorial et tout, je pense. Hein. Non, chauffe. Que je crois, nous, هذوما الانقلابيين كما سميتهم نتايا هذو يحتقروا الجزائريين اباك يحتقروا الكفاءات الجزائريه نعطي لك اكزومبل واش قلت سي جوست شوف صرا مؤتمر صرا المشاكل في الجزائر العقلاء اللي يمثلوا الشعب الجزائري تقدر تقول ابناء الشعب الجزائري ليجيتيميتي ريفوليسيونير ولا اللي ربحوا في الانتخابات صرا المؤتمر تاع سانتي جيديو لا كوميونيتي كريتيان تاع سانتي جيديو اروم اون ايطالي فوالا راحوا تما خرجوا قصروا داروا الاخر قال لك سي بون سي فري كو يزم يحبس هذا العنف فوالا وندخلوا لالجي ونهضروا مع الناس تاع الجي صرات ايبا ما تنساش باللي ايت احمد لا براج جو مرابيل بيان قال لك خاين ايلون ديابوليزي ايزون ديابوليزي يعني مهري قال لك سرق دراهم الجزائر كو لي كونط ديالو هنايا ما عندوش ان كونط بريفي ايت احمد سايتي بروفي هادي سي تو الموند لو سي تما تقدر تختلف معاك ايه وسخوه ايلون شوف تقدر شوف سمير نقدر نختلف معاك بصح باش نكذب عليك ما يجوزليش نختلف معاك حق عليا حق بصح باش نكذب عليك تما كذب ماشي صح ما يجوزليش الناس تخلط دوك نختلف معاك حاب يكون نكذبك ونشتمك وندير لك لا بروباغون نو نو سي فو سي فو نقدر نختلف معاك ونقدر في نفس الوقت نحترمك الناس ما تعرفش هاد هاد القيمه هذه Ils ont fait la guerre au compromis, c'est vrai, tu as raison. Ils ont fait la guerre au compromis. Khaifin mais le compromis. Et pourtant, mais fi hach hal akhar ghir le compromis. Lazmna ga naishou ma3 bad fi balad wahed ou le balad hada yekfi ga3 nas et pourtant on doit passer par là. شوف انا يا كاين في لي زارشيف نقدر نجيب لك لا بروف تاع واحد الجورنال سويس هنايا في جنيف نهار صرات سانتي جيديو هضروا عليها اي لون كوفير التروك سي دي سبيسياليست وكي صرات توت سويت دو جور ابري كي دخلوا الجزائر دخل مهري قال لك سبوه الناس كاين شاهدوا قال لك سبوه هو والزوجه ديالو في المطار يعني اهانوه لدرجه اللي الواحد شغل اهانوه درجه كبيره انا اهانوهم قال لي كانوا تما وداروا عليهم لي زيتيكات هاد لي جورناليست هادوما كيتبعوا في القضيه تاع الجزائر والشان الجزائري لاحظوا باللي الناس هادوما قال لك ندخلوا الجزائر ونقولوا لهم خلاص العنف هذايا ونعاودوا نتحاوروا معكم ونحبسوا الحمام الدم لورجونس تحبس لينوداسيون ومن بعد ديروا واش تحبوا الجزائر واش داروا صرات ما نقولوش واش داروا صرات بومبا في السونتر تاع لا بوليس اي محطوطه في الارشيف سي كونترولي ان شاء الله نلقاها باش نديرها في الارشيف سي بور لافنير لي جورناليست هما سي دي سبيسياليست قال لك كي شافوا كاع الصرا قال لك اللي يستفاد منها البومبه هذه سي سو دالجي قال لك سو دالجي تما الغوفرنمون في الجي هو اللي يستفاد ولا لي ديسيدور هنا الجي هما اللي يستفادوا من هذيك لا بومب قلت لك هذا لو فيروس اللي عندنا حنايا ما يحبش الوحده تاع الجزائريين ما يحبش الوحده ما يحبش يشوفوا ما يحبش يشوف يحب دائما المشاكل لما تشوف الجرائد ديالهم تشوف المشاكل نتايا يا رحم باباك لما نتايا تقول يعني في رمضان ناس جزائريين هاك شايف كيفاش كلا رمضان جزائريين ونعرف شنو نقول نوزن كلامي راني نقول جزائريين كلا رمضان عاقب ليك لا هذاك الانسان الجزائري ولا تكلم عليه بصح ما تديش كاع الشعب علاش تحبوا ديفيزيو هكذا باسكو يفول ديفيزي بيان دي وعلاش تحبوا ديفيزيو وعلاش تاع الصحراء حبيتوا ديفيزيو وعلاش ما خديتوش ليكزوم تاع السودان شوف السودان نفتح قوس صغير برك باش ما نخرجوش على السوجي السودان نشبه كان يقولوا له اعطينا برك الماكله ما نديمونديو لك والو جل بشير هذا قال لك ما نعطي لكم والو فهمتي كيفاش وبعد قسموا له السودان بعد يقول لك الغرب قسم لي السودان انت اللي قسمتها بالديكتاتوريه ديالك انت يا حطيتهم في الدوش حتى ولاو يديمونديو الانقسام ونفهمهم انا باسكو ما تعطينيش الماكله انا يجي واحد يقسم لي يعطيني الماكله قبل اللي يقسم لي يعطيني الماكله انا ولدي. شوف كيف هذاك العوج اون توجو نحبوا نديفيزيو نحبوا دائما هادو ما تلاقاو في سانتيجيديو عباك واش معناتها تلاقاو كانوا عبالك كونوا دوز ان كومبا ديموكراتيك politique d'arguments d'échange de projets tout ça جاو الجزائر جاو للجزائر وين dans une communauté جبدتهم à l'extérieur باش يخدموا bien parce que le rendez-vous il est important ماندارش الجي علاش ماندارش الجي لا je pose la question نخليها هكذاك داروها برا كي داروها برا الغوفرنمون ما عجبوش الحال فالغوفرنمون لي ديسيدور اون فادير ما عجبهمش الحال عشينا ندوروا الموتور شعلنا الموتور لا برنس ولينا نشمتو انسان اللي ضحى حياته وكان بياس ميتريس في مع الناس اللي ديسيد اللي كانوا دايرين بروبليم لفرنسا نهار كانت صحيحه في الجزائر منهم اي تحمد هكذايا وناس واحد اخرين تجي نتايا جورناليست اسم على باليش شكون عطى لك تشمت هكذايا. شوف هذه برك باش نزيد ملاحظه والله العظيم مليحه والله جميع رمز تاع الجزائر غدوه من غدوه يتسب صحفي ولا دير له ماده يتعاقب سامحني يا يعني ماشي ديكتاتوريه باش الاحترام يكون اشخاص هذوما ولا من هبه ودب يسب فلان يسبوا في فلان يسبوا علاش هكذا هذوما تاع فلان. انا كانت عندي الفرصه وتكلمت مع واحد تاع فلان ما نذكرش اسمه قلت له انت والجماعه ديالك وتاع القسمه وتاع جبهه التحرير كنت تقولوا بوتفليقه خاين ودركا راكو تجروا له ديروا له في العهده واش من ضمير عندكم واش من شفافيه عندكم واش من واحد يزيد يثق فيكم والله العظيم غير والله العظيم غير الانسان يعني غير من داك يحير على علاش اي سبب راكو ديروا لنا هكذا اي وشنو هو قولوا لنا واش راكم حابين بالك نسكتوا خلاص ما نزيدوش نجوا الجزائر مش نهضروا عليها واش من سبب لي هكذا زشرني كونتر هذا الشعب فرنسا خرجت 130 جوعاتو وانتم جيتوا بلاخر زدتوا دخلتوا جميع واحد يعارضكم تدخلوا للحبس تعذبوه ولا تنفيوه ومن بعد تقولوا عليه خاين ولا تقتلوه ولا تعدموه ومن بعد يجيو الاحزاب يجيو الاخر تمشي تزيدوا تكسروا وتزيدوا تدوا الناس للحبس وديروا عشريه ويورثوها الاجيال ويورثوها الاطفال ويخرجوا الناس بعقده والمجتمع يخسر لماذا من اجل ماذا وشنو هو الحجه ديالكم وشنو هو السبب اللي ترجعوا الشعب وامه والجزائر ماشي شوف الجزائر كذب عليك اللي يقول لك شعب حابس ولا انت حداه اللي يقول لي انا شعب حابس والله غير الشعب تاع الجزائري وتعطي له كل شيء ويكون عنده الاخر غير يدير لك المعجزات انا شوف جو سوي توجور كونفيون وعلى بالي يجي نهار يعاود يولي الشعب هذايا فهمت كيفاش بولادو يعاود يرفد البلاد هذه والله غير يرفدها ان شاء الله تري بيان سي نوت واحد من داك يخرج سامحوني شويه على الانفعال ديالي واحد من داك يخرج شويه من الشعور ديالو يعني من نسيو على شكفه ني فيت لي سونتيمون ميلونج با مي لا غالب سي من داك العاطفه تاخذنا شغل شوي ديزولي ها جون تري نو جو بونس كو اون اي ديزات هومان وعندنا احساسات سا فو با دير كون بير لا ريزون اون ريست توجور لوسيد لوجيك اي تو مي اون ا دي كور اي سي طون ميو سي كيفاش يقول لك سي مازال انت اللي رحم باباك تشوف تروح للمستشفيات سمير مستشفيات يعني الواحد يقول وراني مع وش من الجنس راني انا لي انا يا وليدي مريض ندي له كوفيرطا ندي له الماكله والعساس يضرب ويسب ويضرب وحلي الباب ما تدخلوش والله ما تدخلوها وكان ماشي في هذا الاخر والله ما تدخلوها تدخلوا غدوه والناس تحلل وين رانا لاحقين وش من هذا استعمار ولا وش من هذا ما هذا وش من هذا وش حبيتو البترول كولوه وشربوه خلونا برك الكرامه تاع الناس ايوي كولو هدو الدراهم هدو كلش صح خلونا نعيشو كره معاهم اعطيني كيما يقول لك لي لو مينيموم فيتال نتوما عوموا بحرها سيدي خلاص انتهى تريكري اي قلت لك سي سا سي ان كوميل دو تو ودركا يلزم لي دركا يلزم الناس تسمع ثاني وندير نداء سمير ندير نداء يلزم الجزائريين يهتموا بالشان تاع بلادهم يلزم يهتموا ما عندناش لو شوا يلزم يكون تعاوتوا لي لا كونسيونس بوليتيك الوعي السياسي هذايا والناس تتحاور كيفاش وعندنا الحمد لله الجزائر عنده الوسائل ويعرف يعبر وعندنا كل إمكانية تسلمية باش ننظموا روحنا ونقول لهم لا بدون عنف لا لا لا لا حبيتوا تروحوا روحوا بصح البلاد هذه هي نو البلاد هذه هي نو البلاد خلاص هذه البلاد ما تجيش تحمل تري بيان Très bien, Khoya Mourad, merci beaucoup, c'est très clair. Merci pour l'appel aussi que tu viens de faire, de passer, je le partage totalement. Ateksaha Khoya Mourad, n'hésite pas à appeler quand tu veux, Mrahba Bik de toute façon. Puis je suis désolé, il y a eu des gens, ils ont essayé comme ça d'appeler tout à l'heure, mais je me suis dit, allez, on en profite pour argumenter en fait, parce que l'Azmina a quand même des arguments. Sinon, Khoya Mourad, Ateksaha, et puis n'hésite pas à rappeler quand tu veux. يعطيك صحة أنت سامي ربي عونك وفي ساليتاسيون تو الموند و على بروشان إن شاء الله السلام عليكم ميرسي بوكو خويا أتري بيانتو فوالا فوالا خوتي c'était Mourad Salhi qui nous appelle de Suisse. En principe, Oula Maranesh Khaltiani, il ne l'a pas dit, c'est un militant du mouvement Rached. Il est déjà intervenu, Oumar Hababé, et puis tout le monde peut intervenir, bien sûr, sur Qanat Al-Hurriya Goulna. Donc, Khaoutine, je vous remercie qui nous écoutez. Où ira comme ça dira comme le bled ou le kharaj diaspora. Il est 21h10 بتوقيت الجزائر الساعة 9:11 دقيقه بتوقيت الجزائر العاصمه. Nous sommes en direct sur Radio Chicha et ça se passe sur Skype. Chicha DZ, il a habité tout d'achlou à la موضوع أحداث octobre 1988 في الجزائر. C'est ça notre sujet, les événements d'octobre 88. Tu peux nous parler par Skype, Chicha DZ, ou tu peux nous parler et c'est en direct. Et l'émission, elle est enregistrée. Pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez réécouter les émissions sur le site radiochicha.com. Je vais installer un site pour Qanat Al-Hurriya. On va séparer quand même les deux mondes, de Radio Chicha, de la musique ou de la culture, etc. Mais le sujet de la politique et tout, j'ai l'intention de le développer, puis de travailler avec des gens s'ils veulent bien aider. Et tout ça pour faire des émissions politiques, sociétés, etc. Ça s'appelle Qanat Al-Hurriya. Je vais vous donner après le site, etc. Il est déjà prêt, mais pour le moment, il faut le finir. Sinon, vous pouvez venir sur radiochicha.com pour écouter les émissions précédentes. L'émission Havi, elle est enregistrée. On fait du podcast. Donc, Khaouti, vous pouvez intervenir par Skype. Pardon, vous pouvez intervenir par Skype sur le sujet de les événements d'octobre. S'il n'y a pas d'appel, j'ai pas pris. Il y a eu deux bips tout à l'heure des gens qui ont essayé de passer. Désolé, Khaouti, j'ai pas pu vous prendre tout de suite, mais n'hésitez pas à rappeler. En fait, c'est ouvert. Quand il y a quelqu'un qui parle, c'est difficile, mais quand ça se libère comme ça, on est prêt à vous écouter, à donner votre avis. On va vous poser des questions. C'est quoi le point de vue? Et puis tous les points de vue se respectent. Il n'y a aucun problème. Voilà. S'il n'y a pas d'appel entre temps, je vais vous passer. Ah, on a un appel. Allô, salam alaikum. Fouad, marhaba bik. Allô, salam alaikum, Fouad. Allô, salam alaikum, Fouad, tu m'entends? Si tu m'entends, Khoya Fouad, on est en direct. On est en direct, merci pour l'appel. Allô, salam alaikum. Non, on a été coupé, donc je viens de perdre l'appel. Fouad, n'hésite pas à rappeler. Je vais lui dire, parce qu'il m'a envoyé un message. Et donc voilà, Khaouti, c'est comme ça, vous pouvez intervenir sur Skype, Chicha DZ, et vous passez en direct, il n'y a aucun problème. Fouad qui a essayé est en train de m'écrire quelque chose, sinon on va vous passer un petit peu de musique. Wishgel, Chouya Hasni, pour les nostalgiques. Allah yarhamou Hasni. Khoya Fouad, qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux rappeler. Il me dit je veux entendre l'émission. Pour écouter l'émission, c'est sur radiochicha.com. Radiochicha.com, il y a un player. Voilà, donc je lui ai donné le lien. Je vous laisse écouter Hasni et je reviens après quelques minutes. Juste, je voulais revenir sur ce que je voulais aborder avec l'auditeur précédent qui a appelé. C'est juste, je voulais revenir sur l'afsa hadi, ce qui s'est passé la phase de transition hadi en 1988-91. Et puis, je voulais la comparer à ce qui se fait actuellement, par exemple, en Tunisie, à M. Akdash, Sherif Akdash. Allô, allô. Allô, salam alaikum. Allô. Oui, salam alaikum, Sherif Akdash. Oui, bonsoir, Samir. On t'entend très bien, nous sommes en direct, merci beaucoup pour l'appel. Très chouette, Barakallahu fik. Non, je voulais juste donner mon avis, j'avais écouté avec beaucoup d'attention le dialogue avec notre ami Mourad. Et je voulais juste, c'est vrai que c'est cet événement est très très important, le 5 octobre 88, en fait, qui est resté ancré dans tous les esprits des Algériens. Moi, en tant que citoyen, là, je me pose une question toute basique, en fin de compte, justement, sur le fait, est-ce que le 5 octobre était justement une initiative populaire, ou est-ce que, justement, c'est une manipulation, une machination du régime dans un sens d'anticipation, justement, d'une explosion populaire. C'est vrai que la question que je me pose, vraiment, je la pose vraiment sincèrement et honnêtement, c'est que comment, à ce moment-là où on disait que le peuple algérien n'avait pas de lucidité et de conscience politique, et bien que moi je pense vraiment le contraire, sauf qu'elle était juste exprimée différemment que dans les hautes sphères et dans les cercles académiques, mais il y avait une conscience politique liée à la réalité médiocre et à la réalité catastrophique du peuple algérien. Je me dis quand même comment dans cette période-là, le peuple tout seul a pu organiser avec une telle précision et une telle efficacité une date où tout le peuple partout en Algérie sort dans cette journée-là, alors que tout était verrouillé. Je me dis quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques cercles derrière ? Certes, il y avait une prédisposition du peuple algérien à l'explosion. Il avait toutes les raisons pour exploser, comme elles existent toujours encore jusqu'à présent. On n'a pas bougé. Mais je me dis quand même comment le peuple avait le peuple n'avait pas les instruments d'organiser avec une telle précision un jour de révolte. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des cercles obscurs derrière qui avaient justement relié l'information, la propagande, etc. pour laisser s'exprimer cette explosion. Ça, c'est une question vraiment que je me pose, surtout que 25 ans après, on n'a pas un seul parti politique, même qui travaillait dans le secret à ce moment-là, qui a revendiqué justement cette initiative ou son déclenchement. Ça, c'est une question que, en tant qu'Algérien, je me pose toujours et je la relis quand même aux événements de 2011. Cette explosion de 2011 et qui a une certaine ressemblance à qui on a arrogé que le peuple algérien ne sort que pour Zitul Qahwa ou Sukr. C'était pareil en 88, on lui a donné toujours la même étiquette et c'était toujours contrôlé. Ça a commencé par surprise, comme par hasard, et ça finit tranquillement d'un coup comme ça. Voilà. C'est vraiment une question que je me pose, et s'il y a des gens qui sont à l'écoute, notamment les opposants, etc., qui peuvent nous répondre à cette question, franchement, elle est la bienvenue, parce que moi, je n'arrive pas personnellement à m'expliquer cela. Je pense que toujours, on est toujours victime de la machination du régime, même si notre volonté est toujours là, le régime arrive toujours à anticiper sur nos initiatives, à anticiper sur nos volontés, sur nos désirs, et sur nos envies de liberté pour pouvoir les contrôler. La preuve, c'est qu'après 88, on a vu, alors que la répression avant était souterraine, tout allait bien en apparence, il n'y avait que les partis politiques et les militants politiques concernés à l'abri de tout le monde qui étaient visés par la répression, par la sécurité militaire, etc. Le octobre 88 a permis au régime algérien de s'affirmer et d'assumer sa férocité et sa guerre contre le peuple algérien d'une manière très massive. Donc c'était vraiment un message collectif. Au moment où peut-être des opposants travaillaient à cela, ils ont anticipé aussi cette révolution pour pouvoir exprimer et lancer un message collectif, clair à toute la population, qu'elle est tous qu'elle est toute et que nous étions, chaque individu algérien était concerné par la répression du régime et non pas seulement les activistes politiques. Mmh. Et d'ailleurs, après cela, il y a eu tout le carnage et toute la férocité du régime qui a été assumée en plein jour. C'est à partir de 1988 qu'il faut le savoir que le peuple algérien a reçu le message clair, très très clair, devant le monde entier que le régime algérien, que l'armée nationale pouvait être criminelle envers le peuple algérien. Moi, c'est le message que je perçois et que j'en tire, en fin de compte, c'est que dès ce moment-là, l'armée s'est adressée à tout le monde en disant, politique ou parti activiste ou pas, politique ou pas, le régime était avait une férocité contre tous les Algériens et tous les Algériens devaient le comprendre à ce moment-là. Et on a vu après la suite, qui a comment la chose a été détournée au profit du régime et que 88 n'a rien apporté. Ça a été exploité par le régime pour aller au pire et même pire avant 88. Pire qu'avant 88. Et on en est jusqu'à ce jour au même stade. Je ne sais pas, c'est mon avis. Hein, c'est mon avis. Ben oui, tu as tout à fait le droit. C'est juste à propos de la question avec, si on peut la débattre à Kayani vite fait. Mm-hmm. La question avec, est-ce que les événements ils étaient manipulés ou les chabs les khraj bitariqa afouya, spontanés? En fait, tu sais, je pense que Ntaya ou la Kima Bzef Menes, on a lu en fait les analyses qu'ont fait certains en fait qui connaissent le régime, c'est-à-dire on a décrit un peu la guerre des clans déjà la guerre des clans qui existait au sein du régime et la plupart, je pense, des observateurs et des connaisseurs, ils ont reconnu Billy, les événements d'octobre 88, ils étaient très probablement lié à une guerre interne au régime. Ce qui ne à mon avis, hein, une fois qu'on a dit ça, je pense que ça ne change absolument rien du tout à comment on doit comprendre le fait que le peuple s'est révolté et tout, à l'air, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, le peuple il s'est révolté parce qu'il a de sérieux problèmes, en fait. Les événements d'octobre 88, ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas tombés du ciel. Le peuple vivait une situation qui était difficile, et on sait que la crise économique, elle était très méchante et puis c'était un choc, puisque en 85-86, il y a eu un crash pétrolier, en fait, sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole, il a baissé d'un seul coup. Et l'Algérie, qui ne vit que des rentrées pétrolières déjà flouertées avec, le gouvernement, il était asphyxié très vite. Il n'y avait plus de liquidité, il y avait de sérieux problèmes économiques, etc. Ben, deux ou trois ans après le crash pétrolier à 85-86, la crise, elle avait atteint son maximum. Ça a conduit aux manifestations. Je voulais aussi rajouter, Billy, les événements d'octobre 88, c'était pas les seuls. On a vu Billy. Avant, il y avait d'autres événements, en fait. Les événements de la région de Kabylie en 82-83, la suite et tout. Chaque année, il y avait des grandes manifestations. Et il y a eu aussi d'autres manifestations à Alger qui ont été réprimées. Il y a eu aussi d'autres manifestations, soit populaires, soit politiques, dans d'autres régions, en fait, comme Constantine, Sétif et tout, 86, 82. La période Hedik, il y a eu beaucoup de révoltes et on a eu la révolte de 88 qui a donné ce qu'elle a donné, peut-être parce que ça c'est, il y a eu une conjonction avec une guerre à l'intérieur du régime. Les observateurs entre ceux qui voulaient faire la réforme et ceux qui étaient contre la réforme à l'intérieur du régime, bien le clan Tam Saadia, etc., et le clan Tachedli, Kemekoulou. Et je pense donc que c'est-à-dire, ça ne change rien, même si c'est, il y a eu, ils l'ont utilisé, le ras-le-bol, qu'ils l'ont utilisé, après c'est eux qui ont passé l'information le 5 octobre et tout, parce que au Mandoum, les moyens de diffuser de l'information, ça a donné ce que ça a donné. Mais je pense que sur le fond, fondamentalement, ça ne change rien, puisque les Algériens se sont révoltés, comme ils s'étaient révoltés les années avant, la Kabylie ou les autres régions. Donc je pense que quelle que soit la réponse à la question que tu as posée, l'analyse elle reste la même à mon avis. On est tout à fait d'accord. D'ailleurs, le but de la question était justement d'attirer l'attention sur ce fait-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a récolté derrière, nous, si c'est une machination du régime, si même la prédisposition, le peuple était prédisposé justement à une certaine révolte, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein, on en est toujours là. Absolument. Voilà. Maintenant, c'est vrai que je voudrais aussi revenir sur le fait d'arroger au peuple la responsabilité justement de la violence, parce qu'on entend aussi que une certaine violence culturelle ou même presque génétique présumée. Moi, je suis pas d'accord du tout avec le fait que l'Algérien est foncièrement violent. Je pense que l'agressivité fait partie des composantes de tout être humain. Il se pourrait que dans certaines périodes de l'histoire pourrait expliquer telle ou telle agressivité ou telle violence. Mais je ne pense pas du tout que le peuple algérien soit foncièrement violent. Je pense que le conditionnement du régime fait cette violence-là, la conditionne, l'oriente et l'exploite. Je suis pas d'accord du tout avec le fait de dire que tout simplement ceux qui sont en régime, ils font partie de nous, hein, ils sont ici du peuple. Moi, je pense que non, il faut pas généraliser. Tout le peuple n'est pas prêt à servir ce régime-là de cette manière-là. Hein. Le régime prend d'une catégorie de la société ceux qui déjà le soutiennent et sont prédisposés à sa médiocrité. Hein, il ne prend pas n'importe qui. Hein, donc je ne pense pas qu'il faille généraliser et dire que nous méritons ce régime puisque il est issu de nous. Non, je ne pense pas du tout. Moi, je ne suis pas je n'accepte pas cette identification et cette association. Voilà ce que je voulais dire et que je pense que c'est dû à 50 ans de dictature, de martelage, de conditionnement, de manipulation. Voilà, mais je refuse de dire que ce régime-là nous ressemble. Au contraire, le peuple algérien aspire à quelque chose de beaucoup plus élevé que ce régime médiocre essaye de dire quoi et de montrer. Voilà, c'est tout très ce que bien, je voulais très dire. Bien. Je pense que le peuple du régime algérien, c'est pas le peuple algérien, c'est le peuple d'un club des pins. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas accès au club des pins. Franchement, je voulais juste là-dessus donner un exemple. Pour ceux qui disent que la violence algérienne, elle est culturelle et elle est historique et elle est génétique, moi je donne l'exemple des deux Corées. Des deux Corées, la Corée du Sud et la Corée du Nord, les deux sont issus de la même culture, les deux sont à la base un même peuple. Regardez où on est l'un et regardez où on est l'autre. Et si ce n'est à cause du régime qui normalement la politique, le régime, son orientation, son organisation de la société, où il veut orienter cette société, parce qu'un régime n'est élu que dans ce sens-là, pour servir la communauté et lui donner justement les moyens, les instruments institutionnels, économiques, culturels, etc., au point où la Corée du Sud aujourd'hui n'exporte pas que de la technologie. Au bout de 50 ans, elle exporte même sa culture, alors que la Corée du Nord, regardez où elle en est. Et c'est la même vérité pour l'Algérie. C'est la même vérité pour l'Algérie. Absolument. C'est faux que le peuple algérien est médiocre. C'est faux que le peuple algérien est ignorant. C'est un peuple qui a prouvé à travers l'histoire sa capacité à être libre. Mais nous avons un pouvoir qui ressemble à celui de la Corée du Nord, qui a justement conditionné ce peuple-là pour ressembler à celui de la Corée du Nord. Absolument. Donc le fait de dire que historiquement et foncièrement, etc., on parle aussi en prétexte que nous avons été colonisés par l'Empire Ottoman, que l'Empire Ottoman était un empire dur, violent, etc. Regardez où on est aujourd'hui, la Turquie. Regardez où on est aujourd'hui en Turquie. Donc je pense que c'est un faux argument. Il ne tient pas debout du tout. Cette image qu'on a de l'Algérie, elle n'est que celle du régime et le peuple en est complètement innocent. Je pense que le peuple en est même victime. Voilà. Très bien, moi je partage totalement ton avis, Roya. Ceux qui croient ou là, ceux qui avancent, Billy, on est ingouvernable, il est comme ça, c'est normal, il est violent, il est naturellement violent. C'est faux, c'est totalement faux. Il suffit d'analyser les faits historiques, en fait, les événements historiques pour comprendre Billy. Ce sont les événements qui ont créé, par exemple, la violence des années 90. C'est pas le fait naturel du peuple algérien qui a tendance à la violence. On sait ce qui s'est passé quand même et on sait comment les choses elles se sont passées. Juste une dernière question, si tu permets, Yanni, si tu as un petit moment encore. C'est un plaisir. Ah, c'est gentil. En fait, juste sur ce qu'on disait tout à l'heure, là, je pense que un des points importants, si on veut Yanni, analyser les choses du point de vue leçon à tirer, je pense, je le disais tout à l'heure à notre ami de Suisse, à propos de la phase de transition, elle a dit que c'était à 88 jusqu'à 91-92. Comment elle s'est produite, comment la période hadith qu'elle s'est déroulée. Anaya, j'ai avancé l'idée, Billy, je pense qu'elle s'est mal elle s'est mal passée, et on connaît en fait la suite, hein, 92, coup d'État, après on a plongé dans un cycle de violence qui était extrêmement grave, et puis on connaît aussi avec le recul, 20 ans plus tard, on connaît un peu les conditions dans lesquelles la violence s'est déroulée. Oui. Qui a fait un peu quoi, on a des questions auxquelles on n'a jamais de réponse et des choses comme ça. Mais moi, je voudrais revenir juste sur la période de transition avec Ben Libli, Mohim Jidden Aleh, les Anou. À l'avenir, si on veut faire un changement, il faut qu'on revienne à une phase de transition qui met avec et on doit tirer les leçons de ce qui s'est passé avant pour ne pas faire les mêmes bêtises, s'il y a des bêtises, si on considère qu'il y a des bêtises, si on considère que ça s'est très bien passé et qu'il faut refaire exactement la même chose, ben, c'est tant mieux pour nous. Mais quelles leçons à tirer? Je résume vite fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que il fallait pas faire Kimadrna. C'est vrai que les conditions ne le permettaient pas, mais juste on analyse 20 ans plus tard. Je pense qu'il fallait pousser vers un autre cheminement. Il fallait se détacher du régime en place, il fallait aller vers une élection qui va rassembler gars les Algériens dans une constituante pour discuter des termes d'un compromis national. Ensuite, aller vers des élections législatives, présidentielles et tout. On a vu, je rappelais tout à l'heure l'émission avec Tamahri, discussion avec Abbasi Madani du fils. Abbasi Madani, quand il dit, ou un cheval à la période avec, il dit, l'élection la plus importante, c'est présidentielle. Présidentielle, il voulait des élections présidentielles. Allez, parce que finalement, le fils, il était dans une logique de prise de pouvoir. C'est comme si, je suis pas en train de dire que c'est le fils qui a tort. Hein. Je pense que la responsabilité première et la plus grande des responsabilités incombe à ceux qui tiennent le régime et à ceux qui ont fait un coup d'État, comme en Égypte. Là, je le condamne de la même manière. Mais je me dis que dans une logique de prise de pouvoir, qu'est-ce qui se passe dans une logique de prise de pouvoir? Ben, il y a confrontation. C'est comme si en Tunisie, actuellement, on n'a pas voté pour une assemblée constituante, on n'a pas travaillé sur un texte de la Constitution et sur des règles mises en place ensemble. Par exemple, mettre en place une commission qui va surveiller les élections, mettre en place un agenda électoral, un agenda d'élection pour les Tunisiens, ils appellent ça la phase de transition. Je pense que ça, c'est la bonne méthode. Ou en 88, 89, 90 et tout, on n'a pas eu cette phase. On avait une course à l'élection qui met les Tunisiens direct en janvier 2011, ils vont faire des élections directement sorties de nulle part comme ça, ils vont faire des élections pour prendre le pouvoir, eh bien ça aurait craché tout de suite, comme ça a craché en Algérie. Je pense que si on doit refaire la phase de transition, il faut faire très attention pour bien la réfléchir. Il ne faut pas y aller juste comme ça. On organise des élections libres et que la majorité gagne, etc. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut se mettre d'accord d'abord. Qu'est-ce que tu en penses, si je peux me parler? Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai qu'il est question de moyens et de maturité, on va dire, politique, bien que je dis toujours que le peuple algérien l'avait, même en 88, il l'avait. C'est vrai que l'expression était impulsive, était selon les conditions, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des moyens de communication. On voit les Algériens, comment ils communiquent entre eux. L'échange d'idées, même si on n'est pas toujours d'accord, mais c'est très constructif. Et c'est ce qui va faire le changement, en fin de compte. Hein. Ça veut dire qu'avant d'aller aller vers le pouvoir, on doit d'abord mettre en place des idées et éclaircir ce dont vers être capable aller, de discuter en fait. Ensemble, de construire un pays ensemble, mais chez un pays les uns contre les autres. Moi, franchement, je voulais pas parler dans la période de l'Égypte. Je ne voulais pas parler des islamistes et de Ali Blehaj, etc. Je ne voulais pas parler parce que ça laissait entendre qu'on justifiait le coup d'État, et c'est pour ça que j'étais obligé des gens qui, à ce moment-là, non, sortaient les chats. C'est pas pour justifier. Tu as raison de le rappeler. C'est pas pour justifier un coup d'État, pas du tout. Et puis il n'y a pas que le fils qui était les élections. Tout le monde était dans les élections. Moi, je mets en cause la classe politique, même si, bien sûr, les conditions ne le permettaient pas. Hein. Bien sûr, je fais un raisonnement parce que j'essaie d'apprendre des leçons en fait pour l'avenir. Mais c'est vrai que la méthodologie utilisée pour arriver au changement, elle n'était pas bonne du tout. La preuve, elle s'est cassée la gueule, et quel cassage de gueule, hein, on l'a payé, mais gravement cher. Hein. Il y avait une immaturité politique, hein, que ce soit dans le discours, que ce soit dans la stratégie, ne serait-ce que donner l'occasion au régime de nous manipuler et de nous exploiter en tant que terroristes. C'est vraiment de l'immaturité politique. Absolument. Et c'est une responsabilité qui engage tout un peuple. C'est une responsabilité, et cela, le fils ne peut pas y échapper. Hein. On ne veut pas mettre tout sur le fils. Par contre, c'est vrai que cette immaturité-là, le fils ne peut pas y échapper. Cette responsabilité limitée ne peut pas. Bien que la responsabilité toujours incombe à ceux qui ont usurpé depuis 62 le pouvoir, absolument, et qui se sont mis à la tête d'un peuple sans qu'on leur demande rien du tout, et qu'ils ont continué à le faire sans consulter la vie populaire, avec une incompétence inouïe. Ça, ce sont les premiers responsables. Après, les acteurs politiques autour, bien sûr qu'il y a eu des erreurs, bien sûr qu'il y a eu des trucs qu'il ne faut pas refaire, et que le peuple algérien aujourd'hui n'est pas prêt à accepter. Je suis désolé, celui qui ne viendra pas avec un programme, qui ne viendra pas avec des atouts pour faire évoluer la société, pour répondre aux besoins de la société, ça c'est clair, celui qui viendra, il sera au service d'abord de la population et de la réalité. Les slogans, les rêveries, tout ça, ça ne tient pas. Regarde l'expérience tunisienne depuis quand même maintenant 2 ans et demi à peu près, ou là, on a vu comment yani les leaders politiques à la majorité, ou les mêmes, pour la majorité, il y a quand même des aventuriers. On a vu Bli, il y a des aventuriers, là, c'est comme ça. Mais on a vu la sagesse d'Ahoum yani qui fait, ils font des compromis, et ils font des trucs marche arrière, allez, parce que quand ils voient que l'Estedam, Jay, et puis il y a des forces occulte qui essaie de profiter de l'ihtiqan l'ouadhaka, les gens ils sont très chargés, ils veulent en découdre avec l'autre, ils considèrent l'autre ha'en, etc. Ça donne une situation très chargée. Et on a vu, il faut le reconnaître, en Tunisie, on a vu certains leaders poids lourds à la politique qui ont fait des pas en arrière. Ils disent, Emel, si c'est comme ça, si c'est à cause de ça qu'on va se faire la guerre, et ça va créer le chaos et la division méchante entre les enfants du même peuple, eh ben ils font marche arrière. Ça veut dire que ils négocient, ils sont capables d'avancer, ils sont capables de céder un peu de leur part, etc. Je pense que tout le monde doit apprendre de ça, à mon avis. Tout à fait, mais c'est ça qu'il faut en tirer en fin de compte, c'est que on doit mettre notre ego de côté, on doit mettre aussi cette vision du parti un peu réductrice quelque part. On ne sert pas un parti pour un parti, on sert un parti pour le bien commun de toute la nation et de tout un peuple. Si à un moment donné, moi je dois mettre mon ego partisan de côté pour l'intérêt commun, ben je le fais de part et d'autre, hein, que ce soit des islamistes ou des laïcs, etc. On doit arriver justement à cette cohésion de la société, à cet équilibre, de manière à se mettre en tête que c'est la nation qui est en jeu. C'est la nation qui est en jeu. Si je dois mettre de côté une conviction, même si elle a primé en moi depuis 30 ans et qu'elle n'est plus à jour aujourd'hui, on est face à des générations nouvelles qui ont d'autres attentes qu'avant. Avant, on disait n'importe quel slogan, peut-être de gauche, ou on disait n'importe quel slogan islamiste, le peuple s'enflamme. Aujourd'hui, le peuple attend autre chose. Il attend des arguments, il attend des choses concrètes qui répondent à ses besoins de tous les jours. Et il a dit, le kalam, parce qu'on dit, le shabir, il n'est pas nécessaire, c'est pas un besoin biologique à la survie, c'est pas un droit. Voilà, le kahwa, c'est pas un droit. Allez, sucre, le batata, c'est pas un droit. Je pense pas que ça soit médiocre que de sortir. Le kenkhrejna al batata, ça veut dire vraiment que rana gisna le fond. et c'est très symbolique. Et c'est un droit de sortir pour sa bouffe. C'est le premier besoin biologique qui permet de réaliser autre chose. On va réaliser ça, on va réaliser la recherche, comment on va réaliser d'autres évolutions si on n'a pas encore répondu à ce besoin primaire biologique qui est la nourriture. Un droit fondamental qui met la nourriture, qui met le logement, ou là, qui met le travail, exactement. Ou là, qui met la liberté d'expression. Exactement, ceux qui schématisent les Algériens comme c'est des gens qui sortent pour leur ventre. Eh bien, c'est légitime de sortir pour son ventre. C'est légitime, c'est tout à leur honneur. Ça veut dire que vraiment, c'est la base, on ne l'a pas, Comment on veut réfléchir quand le ventre lui-même est dans des besoins primordiaux, quoi. Absolument, absolument. Mais parce que Hgar, il méprise le peuple. Pour beaucoup, c'est souvent des élites qui sont un peu complètement... Des élites, t'as le club des pains. et qui croient que le peuple a arraché, ou que le peuple m'a fait hemche, ou le peuple a mal à belle, ou ce qu'il veut et tout, ce qui est faux. Bien sûr que c'est faux. Moi, franchement, je suis opposé à pour le moment, hein, comme j'étais opposé à un moment donné dans un contexte d'Égypte de critiquer les islamistes. Maintenant, on pourra le faire peut-être un peu plus longuement plus tard. Mais il y a des contextes toujours pour dire les choses. Aujourd'hui, culpabiliser l'Algérien et dire qu'il est fautif, qu'il est foncièrement violent, qu'il est foncièrement inculte, ce n'est pas vrai. Les Algériens aujourd'hui, dès qu'ils quittent l'Algérie, ils réussissent partout. Et sans même avoir le niveau ou avoir fait des études, leur capacité naturelle ressortent dans d'autres contextes. Ce n'est pas une question de culture, la violence ou l'ignorance, c'est une question de contexte. Si, avant de culpabiliser l'individu algérien, il va falloir d'abord qu'on culpabilise celui qui est censé lui apporter les instruments pour mettre en valeur ses capacités, absolument, pour les laisser émerger. Tout ça, on en est privé. Les Algériens sont privés des instruments basiques pour atteindre cette évolution. Et après, on vient de loin, parce que moi, j'ai quitté le pays. Maintenant que je suis dans d'autres conditions, ben, j'essaye de dire que c'est la faute de mes concitoyens. Ben non, j'ai vécu la réalité en Algérie. Je sais ce que c'est, cette histoire des moyens, des instruments mis à la disposition de l'individu, comment elles peuvent servir à l'évolution du pays. Ce n'est pas l'individu en lui-même. Bien sûr, après, on peut faire de l'autocritique, mais après avoir mis les moyens nécessaires d'abord. On peut culpabiliser quelqu'un quand on lui a donné tous les moyens de réaliser quelque chose et qu'il ne la réalise pas. Sur ça, quand je discute de ça, quand on me dit ouais, le peuple haka, etc. Un petit exemple, pour moi, il est très parlant. Je dis toujours, prenez les Français et mettez-les dans les mêmes conditions que les Algériens. Exactement. Essaye d'arrêter un seul feu rouge, il te casse, ou chauffe qui va, il se comporte. Les feux rouges sont cassés, les routes sont cassées, l'hôpital qui tousse, il n'y a personne à l'accueil, qui a dormi avec le responsable du truc, il y a Ali, etc. Eh bien, c'est normal que les Algériens, ils vivent dans une situation où les conditions sont très difficiles. Prends n'importe quel peuple américain, français, ou la suédois, ou là, tu le mets dans les mêmes conditions, eh bien, ils disent que le houle, ou ils disent que les problèmes, ou il fait même chou, il sort, ou il rentre dans tous les sens et il va faire des dégâts et tout. Donc, le peuple algérien, c'est comme tous les peuples. Oui, c'est vraiment une question de conditions. Hein. Comme disais tout à l'heure, hein. On inverse, on met le peuple sud-coréen en Corée du Nord, il va avoir le même comportement, hein, et vice-versa. Hein. Donc, c'est tout le problème de l'élite intellectuelle chez nous aussi. Hein. Donc, moi, je me souviens d'un philosophe canadien qui disait, c'est à la philosophie de descendre à la rue, et ce n'est pas à la philosophie d'attendre que la rue monte vers elle. Absolument. C'est à la philosophie de descendre au niveau de la rue. Si nous voulons réussir, si nous voulons, nous devons déjà, nous en tant que citoyens, respecter notre peuple et ne pas agir par le mépris comme l'a fait le pouvoir pendant 50 ans. On doit valoriser nos concitoyens, on doit leur dire qu'ils ont des capacités de réussir. La preuve, c'est dès qu'ils sortent de l'Algérie, qu'ils aillent en Suisse, en France, au Canada, partout, qu'ils aient des niveaux ou pas, ils réussissent, les Algériens. Ils arrivent à survivre partout, sauf en Algérie. Sauf en Algérie. Moi, je prends mon exemple personnel et j'aime pas trop parler de moi, mais je vais quand même dans ce contexte-là le dire. J'ai vécu entre l'Algérie et la France depuis mon enfance pour des raisons de santé. Je vous assure, et j'ai pas pu suivre bien les études là-bas ni ici. En Algérie, on m'a foutu à la porte et pas en France. On m'a dit, tu peux pas suivre. Alors que j'étais, une fois je faisais mes études là-bas, une fois j'étais ici. Et à chaque fois, j'arrivais pas à suivre. Mmh. Les seuls qui m'ont mis à la porte, c'est l'école algérienne. Mmh. Mmh. C'est l'école algérienne. Alors l'école française, elle a toujours compris que j'étais entre les deux pays, qu'à chaque fois, il me fallait un temps d'adaptation. Mmh. Mmh. Et c'est un problème de contexte et de vision du peuple algérien, du citoyen. On ne nous regarde pas comme des citoyens, on nous regarde comme des moutons. Et nous voulons nous le reproduire, c'est de l'autoflagellation. On est vraiment dans le masochisme que le régime nous a inculqué, l'agressivité retournée contre soi-même. Le peuple algérien s'est réveillé et a compris qu'il n'avait pas tous les moyens de résister à cette violence du régime. Eh bien, il s'est refait retourner contre lui-même cette violence. Tout le monde insulte le peuple alors que tout le monde est le peuple. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable comme réaction. Non, on doit se valoriser, on doit valoriser notre population, on doit valoriser nos confrères. Les seuls responsables, les premiers responsables, ce sont ceux qui se sont mis à la tête du pouvoir, qui, avec une certaine incompétence, une lâcheté, une trahison, et qui n'ont pas assumé leur devoir qui est l'organisation et la mise en place des institutions au service de la population pour une certaine évolution. Voilà, c'est ça le problème. Notre problème est là. Demain, on remplace ce régime-là. On prend les mêmes institutions, on leur donne d'autres missions, d'orientation, d'organisation, de moyens pour réaliser une société instruite, évolutive, etc. Ben, ça se fera avec les mêmes individus algériens qui ont les capacités. Mmh. Voilà. C'est mon avis là-dessus, hein, parce bien. Que j'entends pas mal de choses qui me font mal au cœur, quoi, et que je n'accepte pas en tant qu'Algérien. Je ne les accepte pas parce que je les pense fausses. Très bien, très bien. C'est très clair. Atik Saha, tu défends ton point de vue. Merci beaucoup, Khoya Sherif. Merci pour ton intervention. C'est très clair. Et puis, n'hésite pas à rappeler quand tu veux. Et puis, on reste en contact sur Facebook et tout. Les échanges sont intéressants. Merci, à très bientôt. Bonne continuation, Khoya Aziz. Merci, toi aussi. Merci beaucoup, Khoya Sherif. Je remercie les gens qui sont intervenus. Donc, Sherif Akdash, Jazairi Mokim, Mabin Jazair wa Faransa, ou l'Akh Mourad, l'Aitlna, Men Suissera tout à l'heure. Je remercie aussi les auditeurs qui nous ont écoutés, qui nous écoutent toujours. N'hésitez pas à venir sur le site radiohchicha.com. Pour le moment, ça se passe sur radiohchicha.com, mais je vais créer un autre site. En fait, nous sommes en train de travailler dessus. Il est presque fini. Les Kanat al-Hurriya, Haka, il confiera des débats politiques. Et puis, on va proposer aussi d'autres choses. On va consacrer ça à notre pays, notre cher pays, et à nos chers concitoyens, les Jazaïriens, les Nhaboum Bzef. Puisque, comme il dit le Sherif, نحترموا الجزائريين ونحترموا الشعب ولا نحاولوا يعني ما باش الواحد ما يغلطش donc ça se passe sur radiohchicha.com chaque samedi khaouti on a cette émission donc n'hésitez pas à revenir samedi prochain ou là tous les samedis عندنا une émission كيما هذه en direct تقدروا تعيطوا لنا باش تشاركونا في المواضيع اللي نقترحوها كل يوم سبت donc chaque samedi soir 20h الساعة 8 بتوقيت توقيت الجزائر عندنا l'émission هذه elle dure 2 heures et c'est ouvert c'est قناة الحرية c'est la liberté d'expression et c'est en direct en direct. Sinon, sur le site radiohchicha.com, rubrique podcast, vous pouvez réécouter toutes les émissions. Qui met l'émission à partir de demain ou là, sur le site, on enregistre nos émissions pour les écouter par ailleurs. Par la suite, on peut les réécouter. Je pense qu'on va programmer une rediffusion, mais on verra l'heure de la rediffusion de l'émission. On pourra faire ça à la matinée. Avec les gens qui jouent sur la chaîne, ils peuvent l'écouter le soir, par exemple. Mais on va vous expliquer tout ça, il n'y a pas de problème. On va donner tous les détails par la suite. Voilà, Khaouti, encore une fois, on arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie. Je remercie les gens qui nous ont appelés Je remercie les gens qui nous ont encouragés, Naya ou là sur Facebook ou là. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages avec les propositions et tout. J'ai eu déjà quelques messages de propositions. Il faut faire ça et ça et ça. Je remercie tous les gens qui nous ont envoyé des messages. Même si vous avez une critique et tout, si vous n'êtes pas d'accord avec la façon ou là, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous le dire. De toute façon, pour le moment, tout se passe sur radiohchicha.com. Il y a moyen de nous contacter ou là d'envoyer une dédicace ou là d'écouter de la musique non-stop de toute façon. Voilà, Khawti, avant la fin de l'émission, je vais en profiter juste pour vous passer un petit peu de musique et puis on rendra l'antenne par la suite. Encore une fois, merci beaucoup à la Hussein Istima ou à Choukran à la Tadakhoulet. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Tahiyat Jazair. Tallaou fiha ou tallaou fi rouhtikoum, ou la famille, ou l'oualdine, ou les enfants, etc. On te laqaou fi sa'at l'khair, Inch'Allah. Samir Hchicha ma'akoum. Et à très bientôt. Bonne soirée sur Radio Hchicha. تستمعون إلى راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. لا إله إلا الله العزيز يا رسول الله. لا إله إلا الله العزيز يا رسول الله. Allah ya sultan gina, Allah ya Allah ya.